On peut commencer, frère. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête, inclinons notre tête devant notre Père. D'accord? Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre, notre Père céleste. Merci, Père de gloire, pour cette maison qui nous accueille, qui accueille les saints ici en France. Merci, Père, pour tous les bien-aimés qui sont venus de loin pour venir écouter de toi, pas un homme, mais toi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et particulièrement pour le climat qui est serein aujourd'hui encore. C'est une bénédiction encore de toi. Merci, ô Dieu de gloire, parce que nous savons que tu vas bénir nos cœurs et nos vies maintenant. Merci, Seigneur, parce que tu as un but pour lequel, ô Dieu, tu fais sortir ta parole. Et nous savons que le but sera atteint au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, bénis le peuple français, bénis le peuple de cette maison et fais retentir, ô Dieu de gloire, tes commandements dans le cœur afin que nous te craignions comme il faut. Je prie pour les bien-aimés qui sont encore en route et pour celles qui vont venir encore plus tard dans ce moment d'intimité avec toi que tu nous as accordé, tu nous as préparé bien avant les temps anciens. Je prie au Dieu de gloire que ce peuple qui entre dans une saison nouvelle que tu as préparée toi-même, que tu leur donnes de comprendre et de saisir ces choses, la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais faire comme ça, je vais déposer pour vous ici. Il peut rester ici comme ça c'est bien, non? Comme ça, il vous voit bien. Le pupitre, hein, en fait. Oui, ça c'est. Comme ça, il pourrait m'appuyer bien même là-dessus. Lorsque notre bien-aimé frère est venu nous chercher à la gare, mes yeux se promenaient et je me posais beaucoup de questions. Et on est arrivé à une intersection où les gendarmes étaient. Il était question qu'ils passent là. Apparemment, les gendarmes, je ne sais pas, il y a un événement à Bercy. C'est quoi ce Bercy, on appelle? Et donc les gendarmes ont entouré. Lorsqu'il a voulu prendre la route normale pour y aller, lorsqu'on a bloqué, la gendarme qui était là-bas a dit qu'il fallait contourner. Pendant qu'il conduisait, on causait, mais j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi on doit aller contourner? En fait, lui, il est surpris de ce que je vais dire là maintenant. Lorsqu'on a contourné, on est arrivé à une route qui devait revenir, ressortir là-bas. Cet endroit-là, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas comment on peut appeler l'endroit. Il y a la route qui passe en haut et en bas. On a écrit des messages. C'est-à-dire que, normalement, après nous avoir pris à la gare, il y a un carrefour, il doit passer comme ça, il y a la route en haut. En bas. Là, la gendarme a bloqué. Il fallait contourner, maintenant on revient encore bien sur la route droite. Les poteaux de ces murs, les poteaux qui soutiennent cette route-là en haut, ont des écritures. Et dans l'une des écritures, vous savez, il y a un poteau. Chaque poteau a un message qu'ils ont écrit. Et dans l'un des poteaux, c'est écrit, on a servi beaucoup plus un peuple par la pornographie que par les mandats. Je crois qu'ils ont dit mandat. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, mandat gros ou c'est quoi qu'ils ont écrit. J'ai dit, on a servi beaucoup plus un peuple. Il est plus facile d'asservir un peuple par la pornographie. C'est sur un poteau qui soutient une route. Et il me demande bien pourquoi on a écrit cela là-bas. Sur un poteau, sur un pilier qui soutient une route. Il me demande bien, et la citation n'est pas donnée, on n'a pas donné le personnage de la citation. Aucune des citations là-bas n'a de personnage. Donc on était dans les embouteillages, j'observais, je causais avec lui. Mais mes yeux ne se promènent pas seulement comme ça. Donc le message est clair. On avait dit au peuple que tous les messages du sexisme, des nudités, des pornographies, des libertinages sexuels, ce que vous a servi. Le message est clair. Et c'est sur une fondation de la route. C'est-à-dire un pilier qui soutient la route. Donc, on va marcher sur un endroit qui a été creusé pour nous asservir. J'ai regardé la France. Il dit, l'esprit de prostitution. Et au bon milieu, on doit prêcher la sainteté. Et les gens vont donner en réponse qu'on est trop radical. Il y a quoi de mal à ce qu'on s'habille n'importe comment. Chacun doit se sentir à l'aise. Mais leur propre esprit dit que ils sont en train d'asservir. Souvenez-vous, c'est écrit, il est plus facile d'asservir un peuple par la pornographie. C'est ce qui est écrit sur ces poteaux. Si vous voulez, lorsqu'on va se promener, vous allez voir ça sur le poteau là-bas. C'est un pilier. Frère, enfin, est-ce que tu avais remarqué cela? Non. C'était de ton côté. Mais c'est pas évident aussi de conduire en vérifiant ce qui sont, ce qui est écrit. Non, il dit ça quand même, ça fait des décennies que je passe là, mais je n'ai jamais vu cette. Voilà. C'est terrible. Mais je crois que tu peux me indiquer l'endroit comme ça, quand même, parce que là-bas, on va regarder ce qui est écrit là-bas. Tu sais, quand tu veux prendre, quand tu quittes la gare de Bercy, pour prendre l'autoroute à Metz-Nancy, tout ça là. Tu vois, pas pour prendre le boucher, pour prendre le péri. Voilà. Mais le gendarme était là, la femme de la policière était là, elle nous a obligés d'aller contrôler parce qu'ils ont bloqué la route. Il y avait tous ceux qui avaient une carte spéciale qui passait à cet endroit-là. Mais il fallait que nous aille faire le contour. Et pendant que tu vas contourner, il y a une route au-dessus comme ça là. Et il y a des piliers qui soutiennent ce pont. Et donc c'est sur ces piliers qui. Et moi, depuis que je passe là, je n'ai jamais vu ça. Donc elle me dit à mon monsieur. Alors la question c'est quoi en réalité? Avant que je n'avance dans ce que je ne sais pas ce qu'on va voir là maintenant. La question c'est quelle est notre part de responsabilité dans cet esprit d'asservissement? Ou mieux encore, jusqu'où avons-nous été asservis sans s'en rendre compte? Quelle devrait être notre réaction? Le Seigneur Jésus a dit dans ce Matthieu chapitre 20, là, il dit que vous savez que les chefs de ces des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Et si vous remarquez très bien, ceux qui produisent ces industries de pornographie, ce sont des grands multinationales qui dépensent des centaines de millions de dollars, des centaines de millions d'euros pour produire cela. Ça veut dire que dénoncer cela, ça veut dire que c'est attaquer au grand système positionné. Quelle est notre considération là-dedans? Avant dans le livre de 1 Pierre, commençons. C'est même pas le sujet, vous, moi vous dire quelque chose pour tester l'esprit qui est sur ces lieux-ci. Si vous voulez bien, après on va prier. Si vous le voulez bien. Ou bien, si vous voulez, on consacre un jour seulement pour la prière. Comme si il y a des gens là-bas, on les challenge. Le livre de Pierre, allons dans le livre de Pierre. Que Dieu vous bénisse. De Pierre. Oui, 2 Pierre au chapitre 2. Souvenez-vous que ce n'est pas le sujet, je vais simplement glisser pour arriver quelque part. Pas étonnant que le Seigneur a condamné vraiment cette génération-ci. Pas étonnant. Chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1 pour toucher ce qu'on a de voir d'après ce contexte-ci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserves pour le jugement, si vous êtes en train de noter, vous pouvez noter Romains 1, on va y revenir après ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, écoutez bien maintenant, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie. Je vais d'abord m'arrêter là-bas et parler un instant. On va voyager un peu, rentrons dans l'époque. On dit que Noé était un prédicateur de justice. Que Noé était un prédicateur de la justice. Noé, un prédicateur de la justice. Un prédicateur, normalement, c'est celui qui annonce la parole, qui doit prêcher comme il s'en est fait maintenant. On dit, lui, il prêchait la justice. Mais vous lisez la Bible, vous ne voyez nulle part où Noé allait prêcher. Nulle part. Mais on dit, il est prédicateur de la justice. Ça pose problème. Maintenant, regardez, vérifions quelque chose dans le livre de Genèse. Je vais vous montrer quelque chose. Regardons. Mettez le doigt là, on n'a pas terminé. Merci, Père. Allons dans Genèse au chapitre 6. Je commence à bien me sentir maintenant. Je commence à vraiment bien me sentir. J'aime cette sensation-ci. Genèse chapitre 6. Regardez. Verset 6 et suivant. Enfin, si vous lisez à partir du verset 1, on dit, lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la terre, que les filles, les filles nées, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes ceux qu'ils ont choisis. Et là, ça va croître. Le problème va commencer sur la terre avec les mauvaises choses. Maintenant, verset 6 dit, et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Regardez bien cela. Vous êtes. Et il fut affligé en son cœur. Verset 7, regardez bien. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Vous avez ce qui est écrit? Donc remarquez bien au chapitre 6. Ça commence. Quand les hommes se multiplient sur la terre, la violence, l'iniquité prend place. Dieu n'envoie personne d'aller prêcher pour qu'ils se repentent. Il s'est repenti seulement et il donne une résolution qui va détruire. Je veux que vous remarquiez quelque chose. J'arrive quelque part là maintenant, par rapport à notre époque. Et ce qu'on a juste en train de parler là maintenant. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il dit, j'exterminerai sur la terre les hommes que j'ai fait, depuis le bétail jusqu'au plus, n'importe quelle créature. Maintenant, verset 7 dit quoi? Observez le verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Verset 7 dit, lisons. J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Oui. L'homme de son bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Oui. Car je regrette de les avoir fait. Verset suivant. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Remarquez bien, vous avez vu comment il a fait. On situe la postérité de Noé. On dit, mais Noé trouva grâce devant Dieu, la faveur. Et Noé veut dire quoi? Consolation. C'est ça, n'est-ce pas? Noé, ça veut dire consolation. Ok, maintenant, lorsque Noé trouve grâce devant Dieu, Dieu a déjà décidé d'exterminer. En fait, la suite qu'il va lui donner, c'est comment épargner lui et sa famille. N'est-ce pas? Mais le Nouveau Testament nous enseigne qu'il est prédicateur de justice. Que sur le monde d'impie où Dieu a fait descendre sa colère, il a sauvé Noé, lui, le huitième. Ce prédicateur de la justice. C'est ce qu'il écrit, frère. Alors, la question, c'est comment a-t-il prêché sa justice? Comment a-t-il prêché sa justice? Vous devez répondre à cette question-là. Il y a des tas de questions dans ce livre de Pierre où on dit Jésus-Christ allait prêcher aux esprits en prison. Tout à l'heure, on a dit qu'on a fait descendre les anges qui ont péché dans les abîmes, dans les profondeurs des abîmes. Ça, ce sont les questions qu'il faut répondre. Ce n'est pas le moment. Si vous dites que vous posez des questions, vous n'allez pas poser. Non, comme j'ai posé, maintenant, ne me reposez plus. Donc, ici, il dit, mais ne trouva grâce devant Dieu. On donne sa descendance. Après, Dieu va donner l'instruction à Noé de construire de l'arche. Nulle part, l'arche, Noé n'a jamais reçu la mission d'aller prêcher aux gens de se repentir parce que Dieu avait résolu de les détruire. Mais le Nouveau Testament explique qu'il est prédicateur de justice. Et prédicateur veut dire enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas, frère? Donc, prédicateur de justice, annonciateur de la justice de Dieu. Nulle part, il n'a annoncé. Alors, la question c'est, comment avait-il été prédicateur? Donc, son style de vie témoignait contre cela en disant que ce que vous pratiquez, je ne pratique pas. Vous voyez ça? Donc, son style de vie était la vie de la droiture, de justice, alors qu'au milieu même de là où on était des homosexuels, des idolâtres, ils ne le pratiquaient pas, dans sa vie prêchait. Vous voyez ça? Dieu l'avait préservé pour être un modèle de prédication. Dieu l'avait préservé pour être un modèle de prédication sans qu'il ne prêche de ses lèvres que « Répentez-vous, répentez-vous ». Il n'y a nulle part de moment, enfin, s'il est prédicateur de justice, et qu'il prêche la parole, c'est que c'est l'un des plus mauvais prédicateurs que le monde ait connu. Parce que personne n'a été sauvé. D'accord, frère? Il dit bien, s'il est prédicateur et qu'il a annoncé comme je suis en train d'annoncer comme ça. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort sans rentrer, sans accomplir. C'est pourquoi c'est sorti. S'il est prédicateur et qu'il a prêché comme je suis en train de prêcher, que repentez-vous, comme Jean-Baptiste a fait. Parce que repentez-vous a toujours eu le retour favorable. Au moins une personne est attrapée. Noé, il est entré avec sa famille, 8. Vous voyez ça, frère? Il n'a pas prêché en disant aux gens de se repentir. Parce que ces gens-ci, Dieu avait résolu de les détruire. Ici, ce n'est pas conditionné par l'action que quelqu'un d'autre va faire. L'intercession pour une ne changera rien. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a résolu qu'il va détruire. Mais il trouva grâce. Comme ceux-ci, par la grâce marchait, Dieu les préserve de ces fléaux-là. N'est-ce pas, frère? La question que j'ai posée tout à l'heure, quelle est notre réaction vis-à-vis de ces choses, au milieu de ces choses-ci? Comment nous vivons? Comment nous vivons donc en réponse à l'esprit qui nous est imposé comme esprit d'asservissement? Regardez-nous, au milieu des générations perverses corrompues, ils vivaient dans la justice. Et sa vie, comme ça, jugeait ceux qui marchaient dans cette iniquité-là, qui sont prêts à être détruits. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas le pouvoir de changer parce que quelqu'un au milieu d'eux vivait différemment. Donc la prédication n'est pas seulement en parole. J'avance. Rentrons dans un pied, dans ce pied-là, continuons. On va encore avancer à une autre patriarche. Regardez. On a fini avec Noé. Regarde. On était où? Au verset 7, c'est ça? Bon, non, prenons encore verset 5 encore. Regardez bien. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Vous y êtes? Verset 5. C'est quoi? Allô? Oui, bonjour. Ah, Marie, je pense. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est Hébreu. Hébreu, oui. Non, laisse-la, ça sera pas frère. Pas pour qu'elle bouge d'ici. Oui, c'est le numéro 2, c'est l'adresse qu'on vous a envoyé. 2, oui. Oui. Ok. En tout cas, d'accord. Ah. D'accord. Oh, Seigneur, je suis en train de te préparer, donc c'est bon. Allô? Allô? C'est le standard là, frère. Allô? Il n'y a pas de problème. Maintenant qu'il a parlé, on continue ici. Là-bas. Il va voir les écritures que je parle là. C'est qu'elle va me voir d'autres. Ouais. C'est qu'elle va me voir d'autres. Bon, alors, on va continuer comme ça. S'il arrive que quelqu'un appelle encore, tu décales un peu, d'accord? Pour qu'on avance. Donc, le verset 5 de ces deux pieds 2 nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le huitième, ce prédicateur de la justice, vous avez vu le mot prédicateur de la justice, n'est-ce pas? Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie, dont le monde est un monde d'impie, s'il a condamné, on a fini avec lui, regardez bien, verset 6, non? S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, puis on dit, le but pour lequel il avait détruit ces deux villes-là, c'était afin de donner un exemple aux impies à venir. Donc, comme Dieu a dit, quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 19, lorsqu'il faisait cela, c'était pour dire au monde à venir, dont nous sommes une partie intégrante. On dit que c'était un signe, un enseignement pour nous qui vivons ces choses-ci. Et souvenez-vous, dans ce livre de Luc, le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome va se retrouver avec nous ici. Et nous sommes en plein là-dedans, légalisant ici. Des présidents à qui vous donnez votre suffrage vont au pouvoir vous dire que vous êtes obligés, vous qui leur avez donné leur suffrage, d'accepter le mariage mixte. Je recommence encore. L'esprit de prostitution se trouve sur la France. Et lorsque ça va commencer à dégainer, vous aussi, vous aurez des problèmes comme ceux-ci ont eu des problèmes. Nous étions en plein dans un monde impie. Nous nous retrouvons dans l'antipode maintenant avec une autre style de prédicateur dont on va parler. Regardez verset 7. Et s'il a délivré l'autre, le juste. Subitement, on ajoute un style d'appréciation sur son nom. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament dans Genèse 19, il n'y a pas de juste sur son nom. Mais là, ici, le Nouveau Testament vient l'apprécier. On dit le juste, l'autre. On dit profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur conduite, dans leur dissolution. Ce mot, vous allez rencontrer dans la Bible plusieurs fois. Et on va aller dans une autre écriture maintenant, dans Éphésiens chapitre 4. On va n'y aller pas, je dis qu'on va y aller parce qu'on va voir l'implication d'ici. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé. Je suis en train d'aplanir les voies pour avancer quelque part. Alors, on dit que cet homme-ci, qu'on appelle l'autre, il est appelé le juste. Mais initialement, le Seigneur dit qu'il a détruit la ville, les villes de Sodome et de Gomorrhe, donnant cette destruction-là, de ces villes-là, comme exemple aux impies à venir. Là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans, quand Jésus était là et qu'il est parti, qu'on a écrit aux impies à venir. L'apôtre Pierre écrit, il envoie ça chez nous. Nous sommes en plein là-dedans. Le vrai problème, c'est que nous ne voyons pas que c'est pour nous. En lisant ça, on va dire toujours aux impies à venir. Il n'y a plus à venir. Nous sommes en plein dans ces choses-là maintenant. Vous voyez cela, Sodome et Gomorrhe. Il y a des styles de rapport sexuel qu'on appelle même sodomie. Ça ne dérange personne. Les chrétiens pratiquent cela. Et on ne fait rien. Ici, mais le problème, c'est qu'on dit que celui-ci était quoi? Juste. Puis on dit qu'il était profondément attristé. Donc quand il voyait ces choses-là, comme les gens commettaient ces choses-là, enfin, la Bible déclare par la suite que car, pourquoi on l'appelle juste? Comment il était profondément attristé? On dit car son âme juste. Regardez bien ce qui est écrit là, le verset suivant. C'est une parenthèse qu'on ouvre là-bas. On ouvre une parenthèse. On dit que car son âme juste était comment? Était torturé. Non, vas-y, lisez n'importe quelle version, c'est bon. Juste à, ce que, à cause de ce qu'il voyait, oui, et entendait. Mais son âme juste faisait quoi? Hein? Son âme juste. C'est une parenthèse après le verset. Oui. On dit bon, affligé tous les jours, son âme juste. Donc son âme était affligée. Donc la version BJ s'est dit quoi? C'est ça la BJ. Même chose. Mmh. Ici, c'est quoi, frère? Son âme de juste, oui, à cause des iniquités qu'il voyait et ou entendait. Mais son âme juste faisait quoi? De juste à cause. Non, non, il y a une chose avant ça. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, oui, torturait. Oui, c'est bon. C'est, dans ta version, c'est ça. Ici, c'est bon, c'est torturé. Tortuné journellement, jour après jour, jour son après âme jour. De juste. Ok, son âme de juste. Donc, l'autre, entendant les messages homosexuels, voyant chaque jour les homosexuels, voyant les enfants qui couchaient avec des animaux, des femmes qui couchaient avec des serpents, quelle était l'implication sur son âme juste chaque jour, frère? Torturé. C'était torturé. Alors, éprouvé. Éprouvé, dérangé. On l'appelle l'autre le juste. Il était au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Alors, la question que j'ai posée dès le départ, c'est que quelle est notre réaction face à ces choses, puisque nous vivons la même chose qu'eux, ils vivaient. Nous avons vu que quand son grand-père, Noé, vivait au milieu, quand les gens commentaient quelque chose, ils ne commentaient pas. On l'a nommé prédicateur de justice. Remarquez très bien, il s'agit de la justice. Celui-ci était au milieu d'eux, dans un peuple. Si vous avez le temps de lire Genèse 19, regardez bien. Il a bien dit, mes frères, ne commettez pas cette infamie. Quand ces hommes se sont venus vers moi, on a dit que tu es au milieu, un étranger est venu chez nous, il veut imposer sa loi. Vous voyez ça? Tu es qui? Tu es venu en France, tu veux nous montrer que quoi? Hein, frère? Ces esprits-là qu'on a détruits dès le départ seront toujours là. Il y aura des gens qui vont tenir ferme pour la vérité et des gens qui vont tenir ferme dans l'iniquité. Pour que les deux vont ensemble. Mais je veux qu'on se pose la question en tant que croyant, en tant que chrétien. Ceux-ci bagarraient sans Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le pour le cas dont on a parlé et pour Noé dont on a parlé. Ils n'avaient pas des livres qu'ils lisaient ni les psaumes qu'ils chantaient pour s'édifier. Mais aujourd'hui, nous avons les psaumes, tout genre de matériel spirituel pour nous édifier, nous protéger nos pensées. On peut avoir aujourd'hui les wifi ou les casques qu'on met dans ses oreilles pour que si on parle de pornographie à côté de nous et autres là-bas, ou vous êtes dans un train ou n'importe où on parle ces choses-là, vous puissiez mettre ça à vos oreilles pour vous distraire. Eux, ils n'en avaient pas. Ils voyaient et entendaient. La réponse dans leur âme, c'était qu'il y avait une répulsion. Et il y avait une soif à l'intérieur d'accomplir ce que Dieu veut. Donc, ils soupiraient tout simplement que Seigneur, si tu pouvais m'enlever ici, tu m'enlèves. Aujourd'hui, la question c'est quel est l'état de notre âme voyant ces choses? Au milieu d'eux, qu'est-ce que nous faisons? La Bible enseigne que si ton âme n'est pas, on va y toucher ça maintenant, si notre âme n'est pas à ce niveau, si voyant ces choses-là, nous sommes complices. La Bible enseigne ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être théologien en disant avec le débat. Ça doit être à l'intérieur parce que tu peux faire ça avec la chair. Et si tu fais avec la chair, on te condamne une fois, deux fois, tu vas te taire. Parce que ceux-ci, ils ne pouvaient pas se taire. On pouvait les brûler, torturer, couper. Ils ne vont pas se taire, ils vont dire ce qui est droit. Alors, c'est dans le livre de Philippiens. Souvenez-vous, le verset 9 finit en disant que le Seigneur s'est délivré des épreuves, le juste, et réservé les impies pour être punis au jour du jugement, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. Donc, en fait, il y aura une rétribution. Mais je veux qu'on pose la question parce que les choses que nous sommes en train de vouloir vivre comme un jugement et autres sont devant nous. Philippiens. Permettez-moi de trouver cela avant Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Vous avez moi là? Regardez, verset 4, 14 à 16. Enfin, on va prendre jusqu'au verset 19, 18 là. Donc, du 14 à 18 de Philippiens 2. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bon, d'autres versions disent autre chose, d'accord? Verset 15, afin que, il dit, on fait cela, afin qu'on soit, quoi, afin que vous soyez irréprochables et purs. C'est quand même terrible avec notre génération. Vous remarquez tout de même qu'on se trouve dans un endroit, dans une époque vraiment bizarre, où, en même temps, il y a la perversion qui augmente, en même temps, tout genre des esprits qui sont trouvés depuis la création du monde, tout genre d'impurité qui a eu lieu dans tout le monde, dans tous les différents mondes qui ont existé, sont censés se retrouver à notre époque. Mais jusque-là, Dieu augmente le standard de ce qu'il attend. Pur et irréprochable. Donc, le standard de la sainteté pour entrer à notre dans notre saison, ce n'est pas 99,99%. Le standard de la sainteté pour entrer dans notre époque. Il dit bien, je suis en train de dérouler le tapis pour qu'on marche quelque part là tout à l'heure. Là. D'accord, frère? Alors, le Seigneur Jésus dit ici, par son esprit, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez pur, irréprochable et pur. Donc, le niveau de standard, c'est qu'on n'a rien, ce qu'on va te déclarer, tu dois être déclaré non coupable. Quelle est notre façon de penser, notre façon d'agir, ce que nous faisons. Maintenant, regardez ce que ça suit. Il dit, des enfants de Dieu, quoi? Irrépréhensible, irréprochable. Regardez combien de fois c'est répété dans la même phrase. Irréprochable, pur. Des enfants de Dieu dont l'extampie est irréprochable. Irrépréhensible. Au milieu, donc en plein. Au milieu d'une génération comment, frère? C'est terrible. Voici le standard. Le standard, ce n'est pas que... Ils ont fait... Les homosexuels, pour eux, c'est grave. Moi, ça me dérange pas. C'est irréprochable et pur. Irréprochable des enfants de Dieu. Irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, nous nous trouvons là-bas. Mais le standard qu'on exige de nous, c'est l'irrépréhensibilité. La pureté. Aujourd'hui, on va s'interroger aujourd'hui. On va s'interroger. Puis on dit... Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez le témoignage dont on va parler, frère? Voici le témoignage dont on va parler. Mais les choses qu'on reproche au monde se trouvent en plein milieu dit chrétien. Et ce milieu-là prêche que Jésus-Christ va venir dans l'enlèvement. Et ils savent effectivement que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 28 et 29, il va prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. C'est, tout le monde sait ça, c'est écrit. Mais on ne se pose pas la question, c'est quoi la tâche contre la sainteté? C'est quoi être répréhensible? Répréhensible à quoi? À quel niveau de standard? Qui doit déclarer ce qui est répréhensible? Chacun dit ce qu'il peut penser de la Bible. On croit que chacun, Dieu a laissé libre cours à chacun d'interpréter comme il veut. Si c'est lui qui prend son église, et que c'est son église, c'est lui qui doit donner les instructions qu'on doit respecter. Nous sommes d'accord, frère? Alors, là, il dit, des enfants de Dieu... irréprochable, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles le Saint-Esprit attend que nous brillions comme des flambeaux. Question c'est, au milieu de ces générations perverses, nous savons que c'est effectivement une génération perverse et corrompue. Vérifions-nous, sommes-nous en train de briller comme des flambeaux? Ça c'est la question, parce que pour eux, c'est l'extampie est claire. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. La question est tout naturelle. Toi, tu es enfant de Dieu, oui. On dit que tu dois être irréprochable. On doit être irréprochable. Donc, si quelque chose se trouve chez les gens qui sont pervers et corrompus, et que c'est un péché pour Dieu, ça ne doit pas se retrouver chez toi. Ça ne doit pas se retrouver chez nous. Verset 16. Portant la parole de vie. Portant. la parole de vie. Pas portant les philosophies, pas portant l'intellectualisme, pas portant les interprétations doctrinales, mais portant la parole de vie. Souvenez-vous, dans ce 1 Corinthiens, dans ce 2 Corinthiens chapitre 3, on distribue la parole de vie pour les autres, c'est la parole de vie. On donne l'odeur de Christ ici, on répand sa bonne odeur ici, comme étant ambassadeur. Il dit, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, il n'a pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sais déjà des libations. Donc l'apôtre Paul dit que c'est le complément des offrandes de Christ, si son sang peut arroser encore sur le tronc du propitiatoire, ça ne lui fait plus absolument rien, parce qu'il sait effectivement que ce jour-là, le jour de Christ, il aura sujet de se glorifier que quand il a donné les instructions, les gens ont vécu tel quel. Je recommence la question que nous avons posée. Au milieu de notre génération, où l'asservissement est donné dans la pensée de ceux qui inspirent l'homosexualité, la pornographie et tout genre de traite sexuelle que nous avons au-devant de nous, dans les publicités, les films et autres là, qu'on se plaît à délecter. Quelle est notre position? Je peux avancer. Éphésiens donc. Quand vous rentrez tout derrière là, on trouve Éphésiens chapitre 4 rapidement. Dès qu'on va, je vais finir de dire ce qu'on a dit là maintenant. Quand le pont sera fait, maintenant je vais parler de ce que le Seigneur veut qu'on en parle. Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est là. Éphésiens. Oh, si on pouvait prendre vraiment le temps à entrer dans ces choses. Interrogeons notre âme face au péché. Je vous ai demandé de noter Romains tout à l'heure, n'est-ce pas? Interrogeons notre âme face à quelque chose. Vous entrez dans les trams, vous entrez dans les avions, vous entrez dans les bus, vous allez dans les parkings. Quand vous allez dans les parkings, vous voyez les homosexuels s'embrasser. Vous voyez la télévision, dans les réseaux sociaux, on en voit comment une femme avec une femme sont en train de se marier au point où ça devient une célébrité. Que dans telle commune de la France, ils sont entrés dans l'histoire comme étant la mairie qui a servi le premier couple mixte. On prend ça comme un trophée. Alors que si tu es dans ce genre de pays, dans ce genre de ville, tu dis, oh Seigneur, daigne pardonner les iniquités de ce peuple-ci. Dans ces mille, quelle est notre situation? Quelle est notre propre vie? Parce que si nous vivons dans l'iniquité, vous dites, ah, ça, ce sont les homosexuels. Oh, ils exagèrent. Celui qui condamne l'homosexualité condamne la masturbation. Celui qui a inspiré l'homosexualité a inspiré la pornographie. Les romans pornographiques. L'argent que Dieu a donné. Je m'adresse au milieu chrétien là maintenant. À un chrétien. En signe de récompense de sa sueur. Quand il prend ça, il dit, oh Seigneur, merci. Il s'en va dans un magasin de pornographie. Il donne ça pour participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. En donnant la bénédiction de Dieu chez les ténèbres. Prenant l'enseignement des ténèbres. Venant chez lui. Dans sa maison où il est affiché, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il entre avec les objets sataniques. Il dit que ici, c'est pour savoir comment faire le sexe. Il vient, il regarde ce qu'on lui propose. La bestialité, la sodomie. Il se tourne vers sa femme qu'il dit aimer. Une fille d'Abraham, sanctifiée par le sang de Jésus racheté. Il dit, je veux qu'on pratique, il ouvre sa bouche, il dit, la sodomie. Je veux qu'on me dise comment le Saint-Esprit habite-t-il dans telle personne. Je veux qu'on me le dise. Je veux qu'on m'explique. Donc, de toutes ces étapes où il est allé, le Saint-Esprit ne l'a pas corrigé. Je vais donc parler du sujet. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ça dont je veux parler. C'est ça que nous avons parlé. Nous avons besoin du Saint-Esprit. S'il y a un cri, un moment où l'Église a vraiment un besoin criant dans ce domaine, c'est maintenant. Et on va voir le pourquoi nous en avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Rater ces choses-ci, c'est rater la vie chrétienne. C'est rater la vie de Christ. C'est essayer d'imiter d'être chrétien. Les conséquences en sont dramatiques. c'est que l'une des grandes conséquences, c'est qu'on n'espérera participer à l'enlèvement, ni on ne sera pas enlevé, bien que connaissant les moments, les circonstances qui entourent tout et les conditions nécessaires à y participer. On avance là. Donc je vais parler du sujet, nous avons besoin. Je ne sais pas si on peut prendre ça à 2, 3, 4, 5 étapes, 5 parties, Dieu voulant, pour qu'on enseigne dans ces choses, c'est bien. Et ça va impliquer la vie de l'esprit. C'est-à-dire que si nous sommes vraiment loin de son esprit, quel style de vie ça implique? Ça implique. Dans cet exemple des parcours, quelqu'un a l'argent, il remercie le Seigneur, pas se met dans le cas de dire, j'ai pris l'aspect seulement de la pornographie. D'autres font ça, ils partent jouer les PMU, vous savez, acheter l'horoscope pour voir qu'est-ce que la chance nous révèle demain. Après, il dit que celui qui se confie à l'Éternel a un appui fort. Mais il a peur du lendemain. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà le christianisme moderne. Voilà le christianisme moderne. Mais le Seigneur a une loi contre notre génération. Donc l'esprit de pornographie, l'esprit de sexualité, de déviance sexuelle, conditionne véritablement notre époque et ça infeste l'Église. Dans l'Église se trouvent des péchés sexuels graves. Dans notre Église, pas dans le bâtiment, dans notre Église. C'est-à-dire qu'au milieu des chrétiens se trouvent des gens qui se rassemblent. Donc si je voudrais écrire maintenant, nous sommes à Évry, à Villechâtillon, je vais écrire. Je vais dire, frère Junior, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, au saint qui a à Villechâtillon. Je devais écrire saint. Mais si le Saint-Esprit prend ma plume, il met mon nom, mon doigt là-dessus, il va réfléchir par trois fois sur saint avant d'écrire. C'est ce que je suis en train de me dire. Aux saints qui sont en France, aux saints qui sont à tel endroit, notre époque-ci, on réfléchirait par trois fois pour écrire saint. C'est ce que je suis en train de me dire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous allez voir l'implication. C'est pour cela que si on comprend toutes ces choses, si on comprend l'implication, on supplira tout simplement la voix. Parce que sans lui, vous ne pouvez absolument rien. Vous allez essayer d'obéir le commandement au commandement de Dieu à votre dépend. Vous allez faire, à un moment donné, ça va être lourd. Vous allez tourner en rond. Après, la vie chrétienne doit être seulement de tourner en rond. On va commencer à prendre les versets tels que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le verset 13, c'est Galates chapitre 5, nous dit qu'on ne prend pas cette liberté-là comme un prétexte pour vivre selon la chair. Et c'est selon l'esprit qu'on doit vivre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur Jésus a fait une œuvre merveilleuse à la croix. Mais cette œuvre merveilleuse est appliquée dans nos vies par la venue du Saint-Esprit. Il l'a fait, c'est une œuvre qui est à part. Il a fait cette œuvre s'il l'a accomplie. Regarde, en allant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit ça. Je m'en vais. Où tu vas au Seigneur? Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Est-il parti, frère? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que toute autre chose. Parce que le Saint-Esprit nous amène au niveau de la communion dont Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit nous amène droit devant le trône. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et les choses que Dieu a réservées, il nous communique cela dans la pensée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ qui est en nous, n'est-ce pas? Et par conséquent, nous allons entendre la voix du grand berger. Du bon berger. La porte. Nous ne serons plus asservis à suivant les hommes ballottés à tout vent de doctrine. Non. On va suivre ce que Dieu veut. Et par conséquent, on ne doit pas suivre un prédicateur pour des miracles, ni suivre le sens des miracles, mais suivre la voie du bon berger. C'est-à-dire, lorsque nous avons un problème qui nous dérange, le problème peut être pour nous garder pour un temps, dans la foi en Christ Jésus, dans notre marche chrétienne, nous fait bloquer sur place comme l'apôtre Paul l'a eu. Dans 2 Corinthiens 12, il dit, à cause de l'excellence de cette révélation, une écharpe m'a été mise dans la chair. Un ange de Satan. Il a eu par la suite la réponse que c'est un ange de Satan que Dieu lui a mis dans la chair. Mais il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur. Vous voyez cela? Trois fois il a prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Donc la réponse, ma grâce te suffit, vous devez lui dire, je l'ai placé là effectivement pour te préserver de la chute de l'orgueil. Donc Dieu lui a donné la réponse que cet handicap, ce n'est pas fait pour te détruire, mais pour te préserver. Mais aujourd'hui, quand nous avons des handicaps, qu'est-ce qu'on fait? On court à tout prix pour que ça sorte. On ne veut pas chercher la volonté de Dieu derrière. Comment l'apôtre Paul a eu la révélation de la chose? Parce qu'il avait une intimité. Dès le départ, il a le Saint-Esprit. Alors, il peut savoir que distinctement, Dieu lui a dit. Mais aujourd'hui, nous avons distinctement une voix. De l'autre côté, un autre jour, distinctement, une autre voix qui semble être contre avec une autre voix qui avait parlé l'autre jour. un autre jour encore, une autre voix, même la voix de notre pensée, la voix de notre chair, la voix de l'extérieur, au milieu de ces mille mélos, on ne sait plus à quel moment Dieu parle, à quel moment le Satan a parlé, à quel moment c'est notre pensée, notre intuition, à quel moment c'est notre chair, à quel moment c'est une suggestion autodépendante. À un moment donné, donc, quand ça ne va pas, on dit que un cœur m'a dit que. Un cœur. Il ne connaît même pas si c'est son cœur ou c'est le cœur étranger. Voilà ce qui se trouve en milieu chrétien. Ces façons dubitatives de parler, ces façons alternées de parler, les chrétiens modernes l'ont, les chrétiens bibliques ne l'ont pas. Ou moins, ne l'avaient pas. L'apôtre Pierre, dans chapitre, je vais commencer, je viens de parler là déjà, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre, dans chapitre 10, va rester sur la toiture, alors qu'il attendait qu'on lui prépare le repas. Si vous lisez le chapitre 9, de Actes des Apôtres jusqu'au chapitre 10, il se trouve là-bas, subitement une vision lui vient. Vous connaissez bien l'histoire. La nappe venant du ciel avec les quadrupèdes, il entend, tu et mange. Il a vu la vision, il a entendu une voix, tu et mange. Dans cette conversation, l'apôtre Pierre ne dit pas, quelle est cette voix qui me parle? Il n'a jamais posé cette question, n'est-ce pas frère? Si vous remarquez très bien cette conversation, il dit, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais mangé rien d'impur, n'est-ce pas frère? Comment l'apôtre Pierre savait-il que c'est Dieu? Puisque dans cette image, il n'est pas présenté Dieu là-dedans. On dit c'est une nappe qui a été présentée. Mais il entend la voix qui dit, tu et mange. Il ne se pose pas la question, je suis sûr que c'est Satan. Parce que normalement, à notre époque, ça c'est vraiment une tentation satanique. Parce que comment quelque chose est écrit, que tu ne toucheras pas quelque chose d'impur. Et que voici une vision qui t'est donnée de manger. À notre époque, on chasserait cette voix au nom de Jésus. N'est-ce pas frère? Mais il avait assez de discernement pour savoir que c'est Dieu qui a dû lui donner cette chose-là. Afin que s'il ne comprend pas ce qu'il veut dire impur, que dès à présent, qu'il comprend l'enseignement, le pourquoi, il disait, telle chose est impure. Vous voyez? Il dit, pendant que ça, cette voix a tenu trois fois, et puis, par la suite, ça s'est enroulé, s'est retiré dans le ciel. On dit, pendant qu'il méditait sur cette révélation-là, il a entendu les hommes qui disent, est-ce ici que habite Simon-Pierre? C'est ça, n'est-ce pas, frère? Il dit, l'Esprit lui dit, ah, mon Dieu, l'Église du Seigneur Jésus. Il dit, l'Esprit lui dit, lève-toi et va avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. N'est-ce pas ce que ça c'est? Donc, l'Esprit lui dit, lève-toi et va avec eux. Donc, ces hommes qui sont en train de parler, dont tu entends la voix. Lève-toi, va avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Il se lève, il descend. Après, on prépare la nourriture, il mange. Le lendemain, il part. Il arrive chez Corneille. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit ce qu'il va dire. Il est arrivé là-bas, il a parlé. Le Saint-Esprit s'est manifesté. N'est-ce pas, frère? Maintenant, regardez encore l'apôtre Pierre. Examinez-le. Un simple pêcheur. Mais il dit, l'Esprit lui a dit, sans ambiguïté. Quand la personne lui a parlé, il a su que c'est la voix du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, quelle relation avons-nous aujourd'hui? Regardez l'apôtre Philippe, dans Actes chapitre 8. Il descend, il prêche l'évangile. À un moment donné, l'Esprit lui dit, descend sur la route déserte qui passe à Gaza, n'est-ce pas? Azob, là, il est descendu. Et il a trouvé l'ennemi éthiopien. Il finit de parler. L'Esprit l'enlève. La vie de l'Esprit des premiers chrétiens contre la vie de la chair des chrétiens modernes. C'est la réalité que présente la Bible. On est embrouillé. Sur un seul point doctrinal, sept prédicateurs, sept voix différentes. Chacun disant, ainsi parle le Seigneur. Les simples chrétiens qui cherchent à entendre la voix de Dieu dans cette prédication se trouvent embrouillés. Qui dit finalement la vérité? On conclut avec notre pensée moderne des littératistes bibliques, que chacun a son interprétation. Ça pose problème en milieu chrétien. Chacun n'a pas son interprétation de la Bible. Le Saint-Esprit a une seule interprétation. Et si lui, il est réel, il donnera la même interprétation pour le passage dont il a donné concernant ce même sujet à tout le monde, chaque fois. Vous suivez, n'est-ce pas? Il ne veut pas dire à quelqu'un que si tu verses l'eau sur la tête de quelqu'un au nom de Jésus et que l'autre plonge, c'est la même chose parce que verser l'eau sur la tête n'est pas plonger. Parce que baptiser dit plonger. Quelqu'un dit, j'ai été baptisé quand je suis enfant. Le Saint-Esprit de la Bible dit, lorsqu'on va annoncer la Bible, on va annoncer l'œuvre de l'Évangile. Tu dois comprendre que tu as péché, je viens de faire mon œuvre en toi. Quand tu es enfant, tu n'as pas encore de péché conscient. Donc il lui dit qu'il est baptisé quand il était enfant. Et il sait très bien qu'on l'avait amené. Et il dit qu'il est chrétien. 80 ans. Non, je suis catholique. chrétien, catholique, il n'y a pas ça. Voilà l'église d'époque. Je veux que vous regardiez quelqu'un vraiment à côté de vous, si vous l'aimez. Tu dis, mon frère, on a besoin du Saint-Esprit. Ça, allez, vas-y. Quoi que ce serait bien que tu restes ici, vous voyez bien ta soeur, d'accord? Comme ça, il prend ma position plus ici. On en a besoin. En tout cas, si vous ne sentez pas le besoin, le Saint-Esprit dit que l'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin du Saint-Esprit. C'est un problème même d'abord d'appeler Église. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est déjà un problème. Donc, c'est les êtres humains qui se réclament de l'Église ont besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains 8 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Dieu vient pour nous mettre dans le corps. Ce corps appartient au corps de Christ, ou mieux l'Église. Donc sans esprit, on n'appartient pas au corps. C'est-à-dire simplement, sans esprit, on n'est pas... On ne veut pas parler, frère. On n'est pas... Chrétien. Voilà. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Avançons et regardons la pensée de cette époque-ci face à la pensée biblique. Et nous allons voir que ce qu'ils ont écrit dans ce poteau-là dont je parlais tout à l'heure, là, n'est que légitime. Et c'est prévu dans la Bible. Lorsqu'on va lire le livre d'Éphésiens au chapitre 4, on va aller dans Romains pour voir la condamnation dont nous faisons état. Et dont le Saint-Esprit nous a dit que nous sommes rendus coupables si nous ne nous séparons pas. Éphésiens dans le chapitre 4. Ah Seigneur, donne-nous de comprendre la nécessité. Comment se fait-il que les chrétiens de cette époque sont totalement déphasés de l'autre chrétien? Comment? Comment un cœur va me dire, si tu as le cœur gauche, cœur droit? Je ne sais pas si, à moins que l'anatomie humaine, je me suis trompé. Combien de cœurs avons-nous? Et lequel parle alors souvent un genre? Je veux que vous me dites. Un cœur m'a dit que. Un cœur. Si on avait assez de temps ici, en Europe, on devait parler de ces choses-là. On devait entrer, disséquer le cœur à l'intérieur pour voir là où réside l'amour. Là où le Saint-Esprit réside et la conséquence pour qu'il puisse nous parler. Là-dedans. Pour que vous voyez ce qui en réalité réside là-bas. Vous savez, si vous êtes. Vous appuyez quelque part, s'il y a plus cette soeur, c'est comme ça. La pression, je maintiens la pression, je maintiens la pression pour longtemps. Lorsque je lâche, malgré que ma main est sortie, elle a comme l'impression que j'ai ma main encore là-bas. Vous savez ça? Faites l'expérience. Appuyez-vous la main. Allons-y. Appuyez quelque part n'importe où sur vous. Maintenez et appuyez assez fort. Dès que vous lâchez, vous sentez la pression là-bas. Vous avez remarqué? Maintenant, je vous pose la question. Vous grandissez dans les musiques mondaines. Vous grandissez dans le foyer où il y a toujours les musiques mondaines. Vous grandissez dans des pressions où il y a dans la société ces choses néfastes. Et qui entre en vous? Quand vous entendez, vous voyez, vous pensez que ça part stocker où? Ça part en vous là, ça se stocke où? Dans votre sang, frère? Où ça? Et vous dites que non, Seigneur, te donne ma vie. Ou quoi, je te donne ma vie. Ça sort. Il vous faut la délivrance. Je vous le dis. Sinon, les répétitions de tout ce que vous avez eu là-bas, la pression que vous avez eu à magasiner dans votre cœur. C'est pour ça que la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu ne dit pas qu'on préserve, ça veut dire que tu peux être aveugle et entrer dans le royaume. Mais ton cœur, si tu ne préserves pas, tu n'entreras pas. Parce que c'est là, c'est de lui, c'est le moteur de l'être. C'est là. Satan sait très bien cela. C'est pour ça qu'il fait former les enfants depuis l'âge pour maintenir ça à l'intérieur, pour cimenter. Et tu dis que j'ai eu de ma vie, que ça a disparu. Vous dites comme ça. Et quand tu es dans le rassemblement, vous chantez, vous chantez, vous chantez, vous sentez bien les bonnes sensations. Quand tu sors, tu te rends compte qu'un autre côté est sorti. Tu dis que je ne sais même pas que j'étais comme ça. Arrêter se trouve à l'intérieur. Donc, il faut une chirurgie spéciale pour y entrer. Et là, les enseignements se trouvent dans la Bible. Si Dieu permet, demain, j'en parlerai dans ce cadre particulièrement pour qu'on puisse envoyer les injections à l'intérieur et suturer. Vous voulez cela? Pour qu'on en puisse enlever. Sinon, on ne peut pas avancer. Sinon, vous allez avancer 1, 2, 3, 4 fois. Vous voyez, une année, je suis en haut, je suis en haut. Et puis, tu entends quelqu'un dire, je n'ai pas même plus à lire la Bible. Je n'ai pas vu un peu à prier. Qu'est-ce qui arrive? Comment tu ne peux plus, ne peux pas venir à lire la Bible alors que c'est la vie de l'esprit, normalement. Et puis tu te délectes avec les choses du monde. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, veut se nourrir de ces choses-là? Sinon, je ne veux pas arrêter aujourd'hui là. Éphésiens chapitre 4. Je vais la partie verset 17. C'est Éphésiens chapitre 4 fait suite à Philippiens que nous avons lu. Souvenez-vous, on a lu Philippiens chapitre 2, le verset 14 à 18, où il a exigé qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous brillions comme des flambeaux. Et ces mêmes Philippiens-là, précédés de Philippiens chapitre 3, où on nous a parlé de Noé, puis de Lot. C'est le cas de Lot qui était important, le plus important. Et puis on a vu qu'au milieu de la ville de Sodome et de Gomorrhe se trouvait quelqu'un dont l'âme était journellement tourmentée. N'est-ce pas? Maintenant, je vais comprendre cette terminologie. Il était persécuté dans son âme à cause de la conduite criminelle, de ce qu'il voyait et entendait. Il faisait quoi? Et il faisait quoi? Les meilleurs moyens pour nous de voir ou d'entendre, nous avons ça, la radio qui amplifie, la télévision qui projette l'image, les publicités partout, nous sommes d'accord? Baladons-nous ici. Verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je vous déclare, où ça frère? Dans le Seigneur. Il dit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus. Vous ne devez plus marcher comme qui marchent selon la vanité de leur. Voilà. Donc, c'est vrai dire qu'il y a une nette différence entre leur marche et notre marche. Leur marche et notre marche. Il dit à cause de la vanité de leur pensée. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est gentil, païen, il est encore dans la vie païenne, quel que soit ce qu'il fait, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit assez bon pour nous, pour l'humanité, la Bible déclare que sa pensée est vanité. N'est-ce pas, frère? Ok. Ils ont l'intelligence éclairée à cause de l'école qu'ils ont faite. Comment ça? Dans ta version, c'est obscurci. Ici, je vois, ils ont l'intelligence éclaircie à cause de l'école qu'ils ont faite. Oui, ça veut dire la même chose. Ok. Attends, peux-moi. Ils ont l'intelligence éclaircie. Non, éclairée à cause de l'école qu'ils ont faite. Parce qu'ils ont véritablement fréquenté. Voilà, verset 18. Vous avez ça? Non, nous, dans la BJC, ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu. Mais moi, j'ai ici. De l'ignorance qui est en eux. Ils ont l'intelligence éclairée à cause de l'école qu'ils ont faite et à cause de beaucoup de réussites qu'ils ont eu à engranger. Il y a une mauvaise version. Alors, entre toi et moi, qui a la bonne version, frère? C'est la même chose. Bon, là-bas, il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Là-bas, ici, on dit qu'ils ont l'intelligence éclairée. Qu'est-ce que tu en penses, frère? L'intelligence obscurcie et l'intelligence éclairée. Donc, tu dis c'est la même chose. Non, bon, là-bas, d'assez, hein. Je voulais dire, pourquoi est-ce que je disais la même chose? C'est dans le sens où moi, je comprenais que. Ils ont l'intelligence éclairée par leur doctrine qu'ils ont. Et donc, ils prospèrent mieux dans ce qu'ils faisaient. Dans regardez, toi-même, interroge le frère, pourquoi il rit? Interroge-le à lui-même. Pourquoi tu ris alors, mon frère? Dis-moi aussi, non? frère. Vous savez, il fait ces choses pour voir si les gens sont attentifs. Mm-hmm. Pour voir si on est attentif. Mm-hmm. Vous voyez, quelqu'un a la Bible devant lui. Tu dis que les femmes ont. Il n'y a pas de femmes. Tu dis Amen. Il dit Amen. Mais il a la Bible. Le même verset que vous lisez, tu lis ce qui n'est pas écrit, il dit Amen. C'est comme un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, un pasteur, je crois que c'est à la radio. Il ouvre Matthieu chapitre 2. Il dit, les rois marchent. Il dit, pasteur, c'est pas écrit roi quelque part là-bas. Il lit jusqu'à la fin. On ne parle pas des rois marchent. On parle des marches. Il ferme la Bible, il se tourne. Il dit, les trois rois marchent. Il dit, mais ça va. Là-bas, il n'est pas écrit, on n'a pas donné le nombre. On n'a non plus dit, ce sont les rois. Mais d'où est-ce que c'est venu? Depuis l'histoire que les catholiques ont inventée, on dit, les trois rois marchent. Donc, c'est assis en lui. L'écriture devant lui, il regarde, il ne voit pas. Il regarde ce qui sort dedans. C'est ce qu'on avait enseigné. De tel enseigne qu'il a du mal à dire les marches. Donc, vous pouvez avoir la Bible ouverte devant. C'est pour ça que les prédicateurs, on a dit dans là on a commencé, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir enseigner des choses pour détourner les gens, le maître qui les a rachetés. Ils ne vont pas enseigner. C'est dans la Bible qu'ils enseignent. Les résidus doivent sortir de la Bible. Mais on fait dire au verset ce que le verset ne dit pas. Si on avait le temps, je devais vous mettre un prédicateur camerounais. Je crois que dans l'autre partie, on va mettre cela. Où il dit que la Bible parle beaucoup plus de l'argent que de la foi. Vous dites, c'est votre prédicateur, vous le connaissez. Kamdem Dienodor. Il dit qu'il peut vous prouver bibliquement que la Bible parle plus de l'argent que de la foi. Alors on peut prendre les champs lexicaux de l'argent dans la Bible. Le champ du discours de la foi est comparé. Et vous remarquez très bien que la Bible parle, si vous prenez l'homme, le champ du discours de l'homme, ça parle 400 fois plus que de l'argent. Et là, il dit clairement que la Bible est la Bible de l'argent. Donc, si c'est dans ce sens-là, la Bible, c'est la Bible de l'homme. Vous prenez pour Dieu, 10, 9 000 fois, c'est la Bible de Dieu. Donc on peut faire dire à la haute version ce que le verset dit. C'est pour ça qu'ils sont les lits avec une autre version. Pour voir si vous avez la même chose devant vous. Vous dites que oui, c'est la même chose. Alors la Bible déclare ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Le « il » est d'abord mis pour qui, frère? Les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Maintenant, gardons-nous à l'esprit deux choses. Un, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, c'est vrai que même si un païen est sage à l'école, n'importe comment, son intelligence est quand même obscurcie. Puis on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Comment ils sont étrangers à la vie de Dieu? Ça suppose que la vie de Dieu ne se trouve pas chez eux. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre la réalité. Donc, ça veut dire que toute leur inspiration doit venir des ténèbres. N'est-ce pas, frère? Parce que si quelqu'un n'est pas dans la lumière, Jésus a dit que si quelqu'un ne l'a pas, comme son maître, et ne le suit pas, il marche dans les ténèbres. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est pas du fait que la personne soit bonne. Ce n'est pas du fait qu'il ait découvert quelque chose qui aide l'humanité. C'est du fait que dès le départ, tu n'es pas gouverné par la lumière. Donc, tu es dans les ténèbres. Par conséquent, tes pensées sont soumises aux puissances ténébreuses. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est où? En eux. Donc, tous les tests qu'ils développent. La formule de E égale à MC carré. Notez tout ce que vous pouvez. Ça, on dit que c'est l'ignorance. Dit la Bible. Il dit qu'il a été inspiré, que les lois de Mars, le roi de l'été investe de la lumière. P égale à MG. Il dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais eux, ils disent qu'ils sont sages. Dans l'autre version, dans Romains 1, il dit que c'est vantant d'être sages, ils sont devenus faux. Donc, quand tu as un doctorat en sagesse pour Dieu, tu as un certificat, un professorat en folie. Parce qu'en réalité, il a dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. C'est là que ça commence. Donc, si tu veux être gradué, doctorat en sagesse, ça commence par éviter le mal. Parce que la crainte de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est éviter le mal. Comment éviter le mal? Le seul refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a porté nos péchés sur son corps, sur le bois. Et c'est lui qu'on justement rejette, la pierre angulaire. On le rejette, on croit qu'on peut avoir sa propre justice. Non, comme je suis professeur, je suis dans mon bureau, je le fais, et vous voyez dans son bureau, il a une petite pornographie, quelque part, il regarde de temps en temps. Il a sa femme qui trompe. Mais pourtant, il donne de bons coups. On dit, oh, le professeur, là, il est servi, il donne coups sans cahier. C'est la sorcellerie qu'il fait. Mais il est asservi. Il est tenu captif parce qu'il a triomphé de lui. Où est-ce qu'il doit retrouver refuge dans la vie de Dieu? Il n'a pas la vie de Dieu. Mais là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est que, un, les païens qui ont l'intelligence obscurcie, tous ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, c'est injustement et malencontreusement que nous prenons comme modèle et des référents aujourd'hui en tant que chrétiens. Ah, je ne sais pas si vous me saisissez, ces frères. C'est-à-dire que les chrétiens prennent pour modèle ceux-là. Alors que les modèles de prédicateurs sont mis dans la Bible. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, il dit qu'il a déjà parlé en parlant avec les larmes même aux yeux. Puis il va dire que porter les regards sur eux et sur ceux qui marchent d'après le modèle qu'on a vu en eux. C'est d'après cela, parce que c'est le modèle de sainteté. Vous suivez, frère? Il y a des gens qui arrivent là. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mes frères, mes soeurs. Nous en avons besoin. Vous voyez, il fait froid en France, je prêche en ayant la sueur. Je crois qu'il faut que cette sueur s'y sorte et que le Saint-Esprit fasse son œuvre avec au travers de cela. Amen. Vous avez chaud, vous? Vous avez la chaleur aussi? Les choses de la Sentez-vous à l'aise. On va voir ce sujet-ci. Même si on va faire pause pour avancer. On peut avancer. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous que nous avons besoin de lui maintenant. Maintenant, après avoir fait le diagnostic, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est le constat d'abord, avant le diagnostic. Il faut qu'on regarde maintenant comment faire pour l'avoir véritablement. Et comment savoir ce don-là? On peut avoir des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Mais souvenez-vous, et que ces bonnes pensées viennent véritablement du Père des ténèbres. Des très bonnes pensées. Je peux vous en défiler là partout dans la Bible. Et avoir des mauvaises pensées. Entre guillemets. Que ça vient du Père des Lumières. Ça vous étonne ça, n'est-ce pas, frère? Je vais prendre deux groupes dont maintenant, mauvaise pensée et bonne pensée. Si vous lisez votre Bible de la bonne façon, vous allez regarder à un moment donné, un monsieur qui n'a rien fait, le Seigneur Jésus-Christ, qui donne le plan du déroulement de Dieu. Il dit qu'il faut qu'il monte à Jérusalem pour mourir. Un autre être humain qui le suivait se tient là-bas et dit « Ah, Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. » Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un qui est bien comme toi meure. Le Seigneur se tourne vers cette pensée qui est bonne. Il dit « Arrête de moi, Satan. » Ce sont les jumeaux, ça ou quoi? Entrez, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. N'est-ce pas? Ouais, vous avez vu, n'est-ce pas? On doit tuer Jésus. Jésus a-t-il fait quelque chose de mauvais? Est-il un meurtrier? Un brigand? Mais l'apôtre Pierre a raison en tant qu'être humain de protéger quelqu'un qu'on est censé vouloir le tuer. Pour rien. Pas vrai, frère? Très bonne pensée. Oh, non, à Dieu ne plaise. Il ne dit pas à Satan ne plaise. Il dit à Dieu ne plaise. Cela n'arrivera pas. Comment tu vas mourir? Un homme comme toi, un bon homme comme toi. Comment va-t-il mourir? Quelle est la réplique du Seigneur? Donc la pensée qui était bonne venait de Satan. Maintenant, avançons dans cette même lignée. Si vous lisez Jean chapitre 11, la Bible déclare que quand Lazare était ressuscité, quand les gens ont vu ce qui est arrivé, certains ont cru. Mais d'autres, à partir du verset 45, sont allés voir les sacrificateurs. Et là, vous n'y voyez rien, tout le peuple va à lui. Ils sont réunis, ils ont tenu conseil. La Bible déclare que l'un d'eux, qui était souverain sacrificateur cette année-là, dit, vous n'y voyez rien, qu'il est bien qu'un peu, un seul meurt pour le peuple. Frère, une pensée a dit de la même personne, il a dit qu'il faut qu'il meure, l'autre a dit, à Dieu ne plaise. Et c'était Satan qui parlait, n'est-ce pas? L'autre aussi, il tient ici, il dit que vous voyez qu'il est important qu'une seule personne meure pour le peuple. On parlait comme ça de la même personne, l'autre a dit, il ne faut pas qu'il meure, mais c'est Satan qui disait. Ici, l'autre dit qu'il faut qu'il meure. Le Saint-Esprit dit, il ne disait pas cela de lui-même. Étant souverain sacrificateur, il prophétisa que non seulement il fallait que Jésus meure, mais sa prophétie avait été limitée parce qu'il voyait seulement son peuple. Mais on dit, c'est afin de réunir dans un seul corps des enfants de Dieu dispersés. Vous voyez que ce qu'on peut appeler mauvaise pensée peut venir de Dieu, ce qui est mauvaise pour nous. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme dise qu'il est bon pour qu'on ne pas le tuer. Ça semble être mauvaise, mais c'est dans le plan parfait de Dieu. Vous remarquez dans le livre des Juges, chapitre 14, la Bible déclare qu'il y a un monsieur qu'on appelle Samson, qui est descendu à Timna, il a vu une jeune femme là-bas, une Philistine. Il dit à ses parents, descendez, prenez-la moi, pourquoi? Pour épouse. La Bible déclare que ses parents commençaient à dire, parce que ses parents commençaient à lutter contre cette pensée-là. Mais y a-t-il pas de fille en Israël pour que tu descendes chez les Philistins, les incirconcis? Si vous prenez une fille, ses parents, humainement parlant, avaient raison. Parce que la loi interdisait à un juif d'aller se lier par mariage là-bas. Mais le verset 2 dit, ses parents ne savaient pas que ça venait de... Comment Dieu peut faire de tes choses, frère? Vous lisez 1 Chronique et 1 Samuel, on dit que Satan excita David. On dit même que Dieu excita David afin qu'il fasse le dénombrement. N'est-ce pas, mes frères? Donc faisons attention. Il est temps qu'on discerne sa voix. Sinon, un cœur va dire, vous avez deux cœurs. Un cœur qui se divise à un moment donné, ça dit de bons choses. Un temps, ça dit de mauvaises. Mais la question maintenant, c'est comment discerner donc ce qui vient de lui? Vous n'avez aucun moyen de discernement, même si vous avez la parole. Parce que ce qui vient de citer dans ce Juges chapitre 14 là, montre clairement que les parents avaient raison de se tenir aux Écritures. Mais jusque-là, l'écriture qui semblait être contre, c'est sa pensée-là, la pensée venait de Dieu quand même. Si vous avez été du temps d'Osée, et vous regardez le prophète Osée, première fois qu'il vient, il dit ainsi par l'Éternel, il ne couille pas prendre une prostituée. Vous direz que c'est un faux prédicateur, pas vrai? Mais la pensée lui a dit, la voix lui a dit, va prendre une femme de prostituée. N'est-ce pas, frère? Alors maintenant, comment donc vous allez pouvoir discerner? De l'extérieur de l'esprit, vous ne pouvez pas discerner. Parce que Jésus a dit que quand celui qui remplace, qui le remplace, qui va venir, il doit conduire dans toute la vérité. Donc sans lui, vous ne pouvez pas discerner. Sans le Saint-Esprit, point de discernement. Vous êtes, quel que soit le discernement, la connaissance que vous allez recruter, ça sera limité. N'est-ce pas ce que c'est ici? C'est vrai que le discernement par la parole est bon, mais c'est absolument limité. Parce que vous pouvez comprendre quelque chose de la Bible, mais vous ne comprenez pas comme il se doit. Mais quand l'Esprit de vérité est là, il va prendre chaque parole, mettre dans chacune des situations, ça va aller de pair. Parce que le Saint-Esprit a un rôle particulier de la parole. C'est qu'il prend tout ce qui est de la parole, il révèle ça sur Jésus. Parce que Jésus a dit quand il viendra, il prendra des skis à moi, il vous les donnera. Donc le Saint-Esprit doit prendre la parole pour nous les révéler. On ne peut pas prendre la parole. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle, je veux que vous compreniez la chose. Le discernement venant du Saint-Esprit met toute la parole à sa place. Chaque parole à sa place. Mais avec notre pensée charnelle, si vous prenez la parole comme le lieu par excellence pour faire le discernement, vous allez vous tromper. Parce que l'Église catholique a pris Matthieu chapitre 16 pour dire que la parole a dit Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et ils ont dit l'église est bâtie sur Pierre. Vous allez discuter sur la parole. Si le Saint-Esprit vient, il mettra ce que Jésus voulait dire à sa place. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez prendre maintenant ceux de Redeem Church. Vous allez dire que Redeem Church, chaque personne aura sa base doctrinale de la Bible pour former son église. N'est-ce pas, frère? Alors chaque personne venant avec une interprétation particulière, après les versets bibliques, mettre comme il le veut. Mais quand le Saint-Esprit viendra, chaque fois, il va indiquer le Seigneur Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Première chose, le pourquoi nous avons besoin. Première chose, le pourquoi, le plus important. Le plus important, c'est la sonnerie, ça. Je veux que pendant que nous sommes assis, c'est que nous examinions véritablement nos vies. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une compétition d'une vie à une autre. Il s'agit de sonder si on est en règle avec le Seigneur et on est connecté à lui. Parce que la vie chrétienne, normalement, c'est une vie de relation. C'est une vie d'intimité. Et le seul qui est capable de nous placer sur le trône de propitiation, devant le trône d'intercession, devant le trône de grâce, devant le trône de faveur, n'importe quoi comme relation, c'est le Saint-Esprit. C'est son rôle par excellence. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi. Vous voyez cela? Et il vous les donnera. Le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Car vous l'avez vu, il demeure avec vous, il sera même en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Comment le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit révèle leurs œuvres cachées. Ils n'aiment pas la vérité. On peut avancer, frère? La principale, la chose la plus importante du pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la vie de Christ en vous. Tout ce que vous allez faire, c'est des limitations. ou bien, en mots plus simples, la religion. La religion, donc, c'est notre ensemble de rituels ou notre système, notre façon de faire pour pouvoir plaire à Dieu. Le Saint-Esprit, lui, vient, lui, il nous met en relation et met son cachet des propriétés privées du Seigneur du ciel pour montrer que Dieu t'a choisi, t'a agréé et a finalement mis son sceau sur toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Première chose, parce que sans lui, point de relation, point de vie avec le Seigneur. Je me demande bien comment les gens d'antan, Noé dont nous avons parlé tout à l'heure, l'autre dont nous avons parlé et tous les autres patriarches, comment ils faisaient dans cette atmosphère de péché, alors qu'ils n'avaient pas la Bible, ils n'avaient pas les cantiques où ils chantaient. Comment faisaient-ils journellement? Comment? Viens, ma soeur, commence par saluer tes frères et tes soeurs. Salut, prends le temps. Salut les, que Dieu te bénisse. La soeur Marie-France Sophie. La soeur Huguette Dominique. Ah, ma soeur. Table là. Ça va? Salut tes frères et puis tu avances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Vous êtes venus, nous avons avancé, mais nous n'avons pas trop avancé en haut profond. Ça va, ma soeur bien-aimée? Que Dieu vous bénisse, bonne arrivée. Ce n'est pas évident de traverser d'une ville d'un bout à l'autre, n'est-ce pas? Mais de toute façon, vous avez été au Cameroun avec nous, vous avez goûté à ces choses, n'est-ce pas? Donc les deux siens étaient au Cameroun 10 jours avant que nous venions. On a passé 10 merveilleux jours au Cameroun ensemble. Maintenant, nous sommes dans vos portes. Nous sommes dans vos portes. Nous sommes dans vos portes. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin, nous sommes en train de voir dans le thème, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Et c'est vraiment important à cette heure-ci. Mais je me posais la question de savoir, avant d'arriver au niveau d'énumération de pourquoi nous avons besoin, je me posais la question, comment se fait-il que Noé puisse vivre dans le milieu du péché, l'autre puisse vivre au milieu du péché, son âme est tourmentée, alors que lui n'avait pas des écritures. Peut-être qu'il n'avait pas des écritures pour dire, par exemple, comme le livre de Luc, Lévitique, c'est spécifié le livre de Lévitique que quiconque fait ces choses est en abomination, pas vrai? Homosexualité, bestialité, homosexualité. Lui n'avait nulle part où c'était écrit. Comment lui, n'ayant pas là où c'est écrit, évitait cela? Et nous, aujourd'hui, nous admettons des prédicateurs homosexuels. Comment? Comment on peut dire, au dépens de la vérité, on dit qu'on aime? Écoutez très attentivement l'église de notre époque. C'est-à-dire qu'on dit que l'amour est le plus grand. Un prédicateur vit avec un autre prédicateur marié. Il est présent à la télévision. Il se tourne, il se regarde, il dit je l'aime. Il fait bisous à l'autre prédicateur. Il va dimanche, il ouvre la Bible, il se tient, il prêche sur l'amour. Chacun le regarde, il dit amen au style d'amour dont il prêche. L'amour et la vérité sont indissociables. Et la vérité révèle que l'amour refuse l'homosexualité. Parce que Dieu est amour. N'est-ce pas, frère? Alors, la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et cette parole, ou mieux, cette vérité, ou du moins plus simplement, cet amour-là rejette l'homosexualité. Donc, ça veut dire que si nous admettons qu'ils prêchent sur l'amour et qu'ils sont homosexuels, on va dire la Bible est fausse, c'est eux qui sont vrais. Parce que la Bible refuse. Si vous aimez quelqu'un véritablement, vous allez lui dire que mon frère, si tu continues dans l'homosexualité, tu vas te retrouver en enfer. C'est la vérité que tu lui dis et tu l'aimes. Vous voyez cela? Vous l'aimez en lui disant cela. Même si sa chair dit, pourquoi tu es qui pour me juger? C'est le moment de lui dire avant qu'il ne se trouve devant le trône du jugement. Parce que devant le trône du jugement, ce sera le jugement pour la condamnation. Alors que ce que tu lui fais, c'est l'indication pour la repentance. Alors, souvenez-vous, autour de vous, autour de nous. Vous savez ces choses-là. Si vous ne les dites pas, vous êtes autant coupable qu'eux. C'est ce que révèle la Bible. Gardons le doigt dans ce livre d'Éphésiens. J'arrive. Éphésiens chapitre 4. Allons dans le livre de Romains. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Nous sommes en train de voir depuis. Notez Romains chapitre 1 et au chapitre 2. Nous sommes en train de voir depuis. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier dans la parole l'importance de ceux qui s'appellent croyants de cette époque-ci d'être marqués du sceau de l'Esprit. J'ai donné un premier impératif par rapport à cela. Je crois que je parle de l'impératif. On en a ici. Donc, quand vous êtes assis là, vous pouvez prendre de temps en temps, pendant qu'on a de rincer vos cœurs, vous rincez vos bouches avec cela. D'accord, frère? Donc, qu'est-ce que tu sais là? Il y a les mandragores. Tu vas prendre les mandragores? Il y a des biscuits, je te donne. Ok, ok. Donc, notez Romains au chapitre 1 et au chapitre 2. Frère, tiens, c'est bon là, à cette position-là, n'est-ce pas? C'est bon. Notez Romains au chapitre 1. J'ai dit, je recommence encore. Si nous vivons tout autour de ceux qui pratiquent ces œuvres, dans notre bureau, c'est là que je vais toucher vraiment. C'est quoi violemment? Vous avez des amis qui sont homosexuels, lesbiens. Je suis en dépense ici parce que dès le départ, nous avons vu que c'est par la pornographie qu'on asservisse facilement. N'est-ce pas, frère? Donc l'esprit du sexe asservit les pensées et détourne de Dieu. Par conséquent, il faut vraiment être virulent contre cela. Il n'y a pas de plus grand péché qui tienne au monde que le sexe, là. Parce que la Bible même révèle que tout ce qu'on fait dans la vie n'a que pour deux buts, le ventre et les rapports sexuels. Dans la chair, c'est cela. Alors, si nous vivons au milieu d'eux, dans nos écoles, le lieu de travail, vous passez en route, vous voyez cela. Vous dites, la loi dit ici qu'il ne faut pas être homophobe. Avant cette loi, il y a une autre loi qui prime sur celle-là. N'est-ce pas? Quand Dieu a dit, quiconque fait ces choses, c'est une abomination. Cette loi-là est au-dessus de toute autre loi. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 que les gens ont conquis des nations, des rois, brisé le royaume à cause de leur foi, n'est-ce pas? Nous disons aujourd'hui que nous avons la foi en Jésus-Christ, mais nous sommes incapables de prononcer une parole et nous en tenir. Voyageons dans les trains. Nous nous asseyons à côté de nos compatriotes. Ils ont les... Cherchez le mot. Bien, comment vous appelez cela? Ils travaillent avec le crayon. Pour tuer le temps. Mots croisés. Ils croisent les mots. On a dit que qui a inspiré cela? Les païens. On a dit qu'ils avaient quoi? L'intelligence obscurcie. Donc, celui qui a caché ces mots-là, il habite où? Dans les ténèbres. Il allait dans les ténèbres. Cacher quoi? Les mots. Vous avez honte de parler, frère? Je vais vous faire voir quelque chose. La personne qui a inspiré est restée dans les ténèbres. Les ténèbres lui ont donné les mots qu'à cacher. Caché, il cache dans les ténèbres. Il dit, ton prochain là, embrouille bien son cerveau. Il lui vend ça. Avec la grâce que Dieu lui a donnée, il l'achète. Le chrétien aussi achète ça. Il s'assied. Ils entrent dans les ténèbres. Vous savez, les cache-cache, quand on joue le cache-cache quand on était petit, tu entres dans l'obscurité le plus profond pour aller te cacher, pour qu'on ne te voit pas. On a caché les mots là-bas, ils flèchent. D'autres, on appelle ça mot fléché. On a fléché. Alors, ils cherchent les mots qui le cachaient. Au fur et à mesure, le temps passe. Ils tuent comme ça le temps pour pouvoir arriver à sa destination tranquillement. Je veux que vous observez quelque chose. Ils passent le temps à chercher avec son esprit de ténèbres, sa pensée de ténèbres, sonder les ténèbres révélées. Quand il fait ça, le chrétien à côté n'a pas la Bible aussi. Pour que les personnes qui ont écrit ceci, ces 66 livres-ci, qui ont été illuminés de la lumière du ciel, entrent aussi pendant que celui-là est en train de chercher. Regardez comment ils sont assidus pour chercher un mot. Chercher. Et quand ils trouvent, il est content. D'autres endroits, on bat seulement. On a mélangé les lettres là-bas et bah, quand il trouve le mot finalement. On dit maintenant, ce qu'on cherchait, c'était la joie. Elle est dans la joie. Après avoir sondé dans les ténèbres, n'est-ce pas? Mais maintenant, ici se trouve la révélation de la vie. Dans 2 Timothée au chapitre 1, les versets 8 et 9 nous dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a détruit la mort et mis en lumière l'immortalité par l'évangile. Donc, en cet évangile se trouve révélée l'immortalité, réservant l'immortalité à ceux qui, par la persévérance, persévèrent dans cette voie-ci, recherchant toujours cette voie-là. Donc, pendant que le mondain cherche le monde dans les ténèbres, le chrétien a honte de sortir ici. Parce que si je suis dans le bus, je sors là-bas, on va me regarder bizarrement. Les créatures ténébreuses qui se trouvent en enfer ne te regarderont pas bizarrement. Ils vont manger même tes yeux. Donc, on a intérêt à nous laisser dévorer ici par les regards de jugement. Que tu sors un livre qui date d'une certaine époque, je ne sais pas comment y croire. Remarquez bien, toujours d'extampis qu'on a donné à la Bible aujourd'hui. Comment tu peux croire un certain livre? Ils insultent les croyances de ce livre que je tiens entre mes mains. Mais ils peuvent croire pour un mortel comme Einstein, pour un mortel comme Henri Poincaré, citer un mortel comme Hegel. Vous voyez cela, Nietzsche. Ils peuvent citer. En citant cela comme des grands esprits de cette époque. Les mortels. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'arrive, il dit, ici encore en surface. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que toute autre chose, maintenant. Ce n'est pas l'heure de réclamer la bénédiction. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que dans nos bus, pendant qu'ils font cela, même sans que vous prêchiez, en ouvrant votre Bible indique exactement qu'il devait abandonner son livre pour lire ce que vous en avez. Vous suivez, frères et sœurs. Mais ce qui sont de reprocher, c'est qu'au milieu de ceci, on voit dans votre âme, dans tous les de moyens de locomotion que vous avez, dans vos jardins publics, on voit des gens qui sont dénudés. Mais le plus triste, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont exactement comme ça, habillés comme eux. Et on ne leur dit pas que c'est mal. Ils souillent le monde, eux, ils souillent le monde en appelant le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare que 2 paroles servent de sceau au ciel. Jésus connaît ce qui lui appartient. 2. Quiconque prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité. Nous sommes en plein dans l'iniquité, mais nous appelons son nom. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit nous indique que ceci est mal. Voilà son rôle. On arrive. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous n'allons pas avoir la crainte de Dieu au degré de Dieu. Nous allons vivre la vie de crainte superficiellement avec nos standards de jugement. Parce que le Saint-Esprit place le degré de la sainteté au niveau de Dieu. Le Saint-Esprit place le degré de la sainteté au niveau de Dieu. Il te dit ceci est mal. La Bible déclare que qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit qu'on a reçu. Quand tu le reçois, il dit que même la fâcherie l'attriste. Même l'animosité, les disputes l'attristent. Nous vivons dans les querelles, des jalousies, des divisions. Et on s'appelle serviteur de Dieu, de la Bible. On l'appelle ainsi. Le Saint-Esprit est saint. C'est pour ça qu'on l'a représenté dans le baptême par la colombe. Parce que c'est le seul animal qui n'a pas de foi. Vous voyez cela? Petit geste, il s'en va. Petit geste, il s'en va. Il donne les bribes de révélation. Mes fils, j'ai mélangé le sacrifice. J'ai tué mes victimes. Stupide, quitter la voie de la stupidité, entre passé. On court partout. On dit, elle se trouve en plein dans les coins de rue. Donc, si vous allez dans les coins de rue, vous allez entendre la voix de la sagesse qui dit, vous ne devez pas être au milieu des pécheurs comme ça. Vous ne devez pas vivre comme ça. Sa voix crie partout dans les rues, dans les places publiques. C'est parce que la Bible enseigne. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Remarquez très bien que je dis, vous avez besoin de ça. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? C'est une implication terrible. Je n'ai pas dit, vous avez besoin de ça, c'est-à-dire de ça, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas l'air. Ce n'est pas une force. C'est la personne du Seigneur lui-même. Je crois que vous voulez me la faire entrer. C'est... Entre. Entre. Comme ça, on met sa chaise en plein là, puisqu'on n'entrera plus par là-bas. Attends. C'est bon là, ma soeur. Il y a une autre chaise là-bas. Hein? Ok, c'est bon. Avez-vous besoin du Saint-Esprit, frère? Ne ratez pas cela. Elle avance tout simplement vers la porte et puis ça sert, n'est-ce pas? Posez la question. Dans chaque rassemblement où on ouvre la Bible, je vous lance le défi d'entrer dans une mission catholique et d'essayer de dire que vous qui êtes assis, si vous n'êtes pas des chrétiens, c'est avec l'eau de baptême là, ou bien de l'eau de bénédiction là, qu'on va t'étouffer pour que tu meurs. Entrez un peu chez les pentecôtistes et dites que vous n'êtes pas chrétien ici à cause de ce que la Bible révèle. C'est dans les paniers de foin qui vont plonger ta tête pour que tu étouffes. Posez la question partout. Après, revenez tout doucement et lisez doucement Galates chapitre 5, versets 16 à 22. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On connaît ça. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires, c'est-à-dire opposés l'un à l'autre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne t'enverra jamais dans la chair. La chair ne t'enverra jamais dans le Saint-Esprit. Ils sont contraires. Les désirs, les façons de fonctionner sont contraires l'un à l'autre. Et la Bible déclare que cette contrariété, cette divergence fait de telle enseigne que toi, au milieu, tu ne fais point ce que tu veux. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, en clair, lorsque je vous regarde, vous me regardez, soit vous êtes conduit par le Saint-Esprit, soit vous êtes conduit par la chair. Et si vous êtes conduit par la chair, vous n'avez pas le pouvoir de vous arrêter. Vous n'en avez pas. Il faut le Saint-Esprit. Soit vous êtes conduit par l'Esprit. Puis on commence à présenter. Pour dire, en réalité, testez-vous. Si vous voyez ces œuvres en vous, vous êtes conduit par la chair. C'est-à-dire que dans la locomotive de la chair, les vrombissements que ça produit, les bruits que ça produit, c'est l'impudicité. Allons-y là-bas, Galates. On n'a pas encore ouvert Romains ici. Bienvenue encore pour vous qui êtes, que vous venez d'entrer. Nous sommes en train de voir, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et l'entrée de cette prédication, j'ai dit que nous sommes gouvernés par la pensée sexuelle. Vous allez voir quelqu'un dans le mariage, il dit que je vais me séparer parce qu'il ne me satisfait pas. Donc, dans sa pensée, le mariage était pour satisfaire ses désirs sexuels. Voilà l'époque où on se retrouve. Il devait dire des choses aussi, c'est que vous allez me balancer en bas là maintenant. Mais je vais lire ici. Galates chapitre 5, regardez. Verset 16 encore. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Vous avez vu ce qui est écrit, frère? Marchez quoi? Selon l'esprit. Mais quand vous entendez marcher, mais c'est, la soeur, elle n'y est pas encore. C'est ta Bible à toi, ici. C'est pas ta Bible de ta fille. Bon, même si c'est ta Bible de ta fille, les livres sont positionnés de la même façon, d'accord? C'est-à-dire, Galates est toujours après Éphésiens, c'est ça, non? Que Dieu te bénisse. Bon, c'est avant parce que je suis devant elle. C'est là, chapitre 5, n'est-ce pas? Dans le verset 16, il dit, j'ai dit donc marcher selon l'esprit. Remarquez tout de même ce qu'il dit. Marcher selon l'esprit. Non, c'est là. C'est révélation. On continue comme ça. On ne va pas s'en sortir ici aujourd'hui. Mais pourtant, il y a des choses là à voir. Il dit, je dis donc marcher selon l'esprit. La question que je me pose, c'est un ordre ici ou bien c'est impératif? C'est un ordre et impératif, n'est-ce pas? Donc, ceux à qui l'un des dix cela doivent le faire. Avez-vous senti cela comme si ça vous interpellait de marcher selon l'esprit? Ou bien on a plutôt lu, souligné, coloré, pour dire aux gens que quand ça va, on marche selon l'esprit. Souvenez-vous que quand vous lisez la parole, vous présentez devant vous, c'est vous que ça mille. Quand vous présentez votre Bible devant vous, quand vous êtes devant votre miroir, on ne peut pas aller devant le miroir pour regarder votre cheveux. Je me mets devant le miroir pour regarder mon visage. Il dit, frère, tes cheveux sont trop noirs. C'est lui que je vois dedans. Non. Alors maintenant, souvenez-vous, quand vous prenez votre Bible, vous mettez devant vous, le doigt qui sort de la Bible, c'est vous que ça doit d'abord. Donc quand vous regardez Galates chapitre 5, verset 16, un doigt sort là-bas, il a dit, toi, marche selon l'esprit, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est pour ça que je parlais, que le Saint-Esprit vient nous mettre en intimité avec Dieu. Quand vous lisez votre Bible, Dieu vous sonde, le Saint-Esprit vous guide. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et attire votre cœur vers le trône. Mets le cœur de votre trône, au trône, et établis ton cœur sur le trône de Dieu. Ouvre ta vie devant le Seigneur, et la parole à chaque bout de champ te reproche, te corrige, te dirige, t'instruit, te protège et veille sur toi. J'avance, frère. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et la conséquence, et vous n'accomplirez pas. La Bible veut nous enseigner, verset 16, que le rôle de l'esprit, c'est d'annihiler les désirs et les façons de faire de la chair. C'est la solution contre la chair. Vous jeûnez pour tuer la chair, vous ne tuerez jamais. Parce que votre chair est attachée au-dessus de vos âmes et de votre esprit. La solution pour que ce qui est à l'intérieur puisse se mouvoir, c'est qu'une autre vie extérieure, celui-là seul qui a vaincu la mort, puisse faire son tabernacle au-dedans. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Comment pouvez-vous marcher selon l'Esprit si ça ne se trouve pas à l'intérieur? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 6, et chapitre 7 particulièrement, la Bible nous enseigne, si je vais vous méditer, parce que ces choses-ci, ce sont des profondeurs qu'on doit devoir toucher jusqu'à ce qu'on se tient au carrefour où on va refuser les confessions de la foi que je suis le roi de ce monde-ci. Un moustique te pique. Un anophèle femelle. C'est-à-dire que si on entre dans le groupe féministe des moustiques, on envoie le féminin des moustiques te piquer et tu es alité. N'est-ce pas, frère? Voilà le roi alité à cause d'un moustique féminin. Parce que Satan a tellement rendu la chose facile pour les femmes que même ceux qui donnent le palu, ce sont les femmes chez les moustiques. Et là, on met la main dans la poche en disant que je suis le roi de ce monde-ci. Je suis le créateur. Jésus-Christ est un créateur. Moi, je suis un créateur. Les choses anciennes sont passées. S'il récite, récitez ensemble. Peut-être il sait où il s'en va. Toi, quand tu récites avec lui, et tu rentres dans la réalité, et tu regardes, la Bible dit, car les désirs de la chair sont contraires et ceux de la chair. Et puis on cite, à partir du verset 17, les œuvres de la chair. Vous voyez cela. Vous pensez que c'est la vie de ceux qui sont en Christ Jésus? Regardez, continuons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Regardez bien maintenant. Ils sont opposés entre eux. Donc clairement, le Saint-Esprit ne te conduira pas dans la chair. La chair ne te conduira pas à vivre selon l'esprit. Il dit, ils sont contraires entre eux afin que, le but pour lequel ils sont contraires, c'est afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, il n'y a en vous aucune volonté propre de votre libre arbitre à aller du côté de Dieu ou du côté de la chair. En clair, vous êtes prisonnier. Vous voyez cela? La Bible est claire dans ce moment, celle qui est citée. Il dit, la Bible déclare que nous avons la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Avez-vous déjà lu cela? Je prends plaisir selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Comment, frère ou bien-aimé, enlever cette loi dans notre corps? On appelle ça la loi de l'esprit, la loi de la mort. Ça se trouve en nous. Je prends plaisir selon l'homme intérieur. Mais à l'extérieur, pour manifester, j'ai le pouvoir, je veux faire le bien. Mais je le trouve en train de faire le mal. C'est Romains chapitre 7 qui nous dit. Il dit, si je fais ce mal-là que je ne veux pas, et que je ne fais pas le bien que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne et moi je suis vendu au péché. Tu es vendu au péché, ça suppose que le péché te conduit comme il veut. Donc, les œuvres de la chair, quand tu le fais naturellement. De la même façon que comme la vie de Christ vient, tu ne forces pas pour manifester sa nature. Tu manifestes tout naturellement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, la liberté, le libre arbitre que Dieu nous a donné, vous ne pouvez pas l'exercer contre la chair. Vous ne pouvez pas. Voici pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ah, je suis libre. Vous êtes libre. Comment as-tu fait pour accepter que le triangle est équilatéral? On t'a imposé, pas vrai? Comment vous pouvez accepter que quand on trace une ligne droite comme ça, c'est horizontal? Comment vous pouvez accepter? N'est-ce pas ce que je viens de dire? Que vous êtes libre. En réalité, vous pensez que vous êtes libre. vous ne l'êtes pas. La seule chose à faire, c'est pour ça que même dans le Christ Jésus, il a dit qu'il doit être devant. Nous le suivons pour qu'il nous guide. Sinon, nous sommes perdus. Imaginez que dans le monde, les gens sont perdus. Dans le Christ Jésus, quand on est dans la lumière, il dit que si quelqu'un marche après lui, il sera dans la lumière comme lui-même dans la lumière. Nous marchons dans la communion. Donc, même en Christ, nous devons marcher en demeurant à lui. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit « Maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. » Donc, le canevas est tracé. Vous n'allez ni à gauche, ni à droite. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frère. L'Esprit des vérités. Mais très souvent, on n'a pas avancé dans un certain niveau de l'évangile. Parce que quand on avance là-bas, on voit effectivement qu'on va arriver à un niveau inéluctable. Que pour entrer dans ce style de besoin qu'ils ont eu, dans ce style des œuvres qu'ils ont eu, nous devons vivre comme ils ont vécu. Et par conséquent, on a peur de nos relations, notre entourage, les conséquences qui en découlent. Qu'on sera raboué, insulté, maltraité, raillé. Mais c'est la vie des disciples ou de l'esprit. Mais je veux que vous compreniez que la pensée sexuelle a servi notre époque. Et ça a touché et affecté les croyants au point où les croyants ne peuvent pas prendre les expériences sexuelles pour appliquer chez eux. N'est-ce pas terrible et horrible, frère? J'ai pas avancé. J'avance. Verset 18. Si vous êtes conduit, par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, justement, comme je l'ai dit ici, prendra chaque parole et appliquera dans votre vie. Vous n'irez pas dans la Bible pour dire, ok, il faut que je m'arrête, j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de détruire le temple de Dieu. Le Saint-Esprit en toi t'empêchera de le faire. Tu ne lutteras pas pour ne pas le faire. C'est un problème. Le Saint-Esprit en toi. Parce que c'est la vie que tu manifestes. Remarquez très bien qu'il n'y a pas une école pour apprendre à respirer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il n'y a pas une école. Lorsque la poule sort de l'œuf, le poussin sort de l'œuf, tout naturellement, il couvre les bananes, la balance se pourrit, il commence. Ça veut les pieds qui poussent derrière. Quand il pousse, il baisse comme ça. Le poussin n'a jamais essayé de chercher à manger avec sa main là, avec ses ailes, avant de voir que non, on ne mange pas là-bas. Ça vient tout naturellement. N'est-ce pas, frère? Il n'y a pas d'école d'apprentissage de respiration. Mais tout naturellement, la vie de Christ traverse nos corps. Sinon, comment pensez-vous que les chrétiens, des nouveaux chrétiens, qui venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit, sans qu'il y ait cet enseignement-ci, comme aux Thessaloniciens par exemple, l'apôtre Paul leur dit au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, que pour en ce qui concerne l'amour fraternel, vous avez appris de Dieu à vous aimer. Comment ils ont appris de Dieu? Vous n'avez pas besoin qu'on vous prescrit là-dessus. Et sur le livre des Thessaloniciens qu'on a écrit, c'est là où on donne le renseignement que l'apôtre Paul nous dit maintenant, marchez selon ceci. Et là, il nous donne le renseignement que Dieu lui-même leur a d'abord donné les enseignements. N'est-ce pas, frère? Comment Dieu les a enseignés? Comment? Nous avons et le renseignement de ce que Dieu les a enseignés directement et ce que l'apôtre Paul leur a donné, malgré tout ce qui soit complet. Nous faisons défaut du plus important, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous dit, pour que tu ne dis pas qu'on parle en parabole, il dit, si vous êtes conduit par ces œuvres-ci, c'est-à-dire, si vous voyez ces choses-ci manifestées dans votre vie, sachez que vous allez aller dans la direction de la chair qui est opposée à la direction de l'esprit. C'est ce que l'Esprit dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est évident. C'est-à-dire que vous voulez savoir les œuvres de la chair, les voici. Donc, c'est fait de telle enseigne que si vous êtes chrétien véritablement, vous savez que vous êtes chrétien. À moins que vous vous trompez. C'est-à-dire que vous allez au miroir, vous voyez que vous êtes noir. Vous vous tournez comme ça, quelqu'un vous dit que tu es brun, ma soeur, tu dis merci. C'est que quelque chose ne va pas chez toi. Comme les femmes aiment, comme on les trompe là. Hey, regarde, le nez est plat comme pour moi là. On dit, waouh, ton nez comme pour Mike Jackson. Je dis, merci ma soeur. Comment on peut te mentir? Tu acceptes. Or, le miroir te dit véritablement la forme de ton nez. Mais surtout, on te dit ce que tu aimerais entendre. Tu dors, l'autre mec, vous savez, les pinces qu'on pince les couches des enfants là. Elle pince son nez pour son nez rester comme ça. Comment tu n'as pas étouffé la nuit? C'est pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre la religion pour arranger nos péchés. Pour nous faire comprendre, pour que la Bible et la parole marchent dans le sens qu'on souhaiterait que ça soit. Mais la Bible ne peut pas changer pour quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a une femme qui m'a dit en Suisse, c'était en Suisse, je prêchais. Elle a baissé ses lunettes comme ça là. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Je dis quoi, madame? Elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Il faut qu'on actualise la Bible. à notre époque. Donc, elle voudrait que Dieu envoie un autre pôle pour dire Apocalypse 2. C'est-à-dire qu'on écoute notre Apocalypse, on dit que selon votre époque, péchez un peu. Dieu est quand même tolérant, beaucoup de personnes vont en enfer. Hein? Le Dieu merci que le feu de l'enfer n'a pas besoin de bois. Donc ça peut brûler toujours. Continuons, regardez ici. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes. Les voici. Ce sont, 1, l'impudicité, l'impurité, la dissolution, donc toutes sortes de dérèglements. Donc, on s'arrête d'aborder les trois premiers. L'impudicité. Les chrétiens vivent dans l'impudicité. Et ils disent que chacun a sa faiblesse dans le corps du Christ. C'est-à-dire qu'il essaie de s'arranger. Pour dire que l'impudicité qui vit là, c'est normal. C'est normal qu'ils vivent comme ça. Et la Bible est en train de dire que c'est l'œuvre de la chair. Donc si tu es comme ça, sache que l'Esprit de Dieu ne te conduit pas parce qu'il ne te conduira pas là-dedans. Il dit que non, mon petit ami a dit que si je m'avance trop là-dedans, on ne doit pas se marier. Donc elle aime son petit ami plus que son propre âme. Et c'est parce que c'est ses frères. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Une femme vivant avec le mari de quelqu'un, sachant que si elle a son mari, elle ne mérite pas que quelqu'un d'autre vive avec cet homme-là. Mais elle est là, son mari, le mari quitte le travail, vient chez elle, passe le temps, elle souhaiterait qu'elle passe le temps avec elle. Puis elle prend la Bible, soit elle lit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait manger dans le vrai pâturage. Dont l'adultère, c'est le vrai pâturage. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour consoler sa conscience formatisée? Elle va dire, les églises où on prêche trop sur le péché, là, je n'aime pas. J'aime l'église catholique parce que les rituels, je les connais par cœur. Vous voyez ça, frère? Donc, avant que le prêtre lève la main, est-ce ce que le prêtre veut dire qu'on fasse? Quand le prêtre fait comme ça, elle se lève. Quand elle se tourne vers l'hostie, est-ce ce qu'on va faire? Par conséquent, elle l'aime là où on ne dit pas quelque chose qui va la juger. Mais elle oublie que même si vous faites n'importe comment, le train de Dieu en train de circuler, et ce jour, quand il va dire stop, ça sera le dernier jour. Et quand ce sera le dernier jour, la Bible déclare, en ce jour-là, les éléments passeront avec fracas. Des jours grands, terribles, d'obscurité, de grandes ténèbres. En ce jour-là, les gens vont chercher la mort va fuir loin d'eux. Donc c'est le moment de se repentir. On avance, frères et sœurs. L'esprit du sexe règne sur les pensées humaines. Et Satan a asservi dont les gens avec le sexe. Vous voyez un homme, un grand homme d'État. Un grand homme d'État. Vous entendez, dans votre pays, la France, un autre vient. Deux minutes, il divorce. Lui, il prend la femme de quelqu'un. Un autre vient, il vit dans le péché. Pour ne pas appeler ça péché, il trouve le mot en français qui convient au petit amétisme. Il dit, ma compagne. Il dit, sa compagne, ça veut dire quoi? Pourquoi on ne dit pas que le président si est un pécheur? On dit sa compagne. Il a même honte de dire la première dame. Parce que ce n'est pas normalement ça qui est normal. Écoutez très attentivement. Jean-Baptiste se tiendrait ici et dirait, François Hollande, cette femme-là n'est pas ta femme. Tu es un prostitué. C'est ce qu'il dirait, frère. Pas vrai? Aujourd'hui, nous disons, c'est son problème avec Dieu. Jean-Baptiste dirait comme ça, frère. Dans le monde, si vous juge et nous juge ensemble, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dénoncerait les œuvres du ténèbre parce que c'est son rôle. Il vous conduira dans toute la vérité. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais condamnez-les. C'est parce que la Bible enseigne, mes frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, la Bible déclare que les œuvres du ténèbre sont manifestes. 1. L'impudicité. 2. L'impurité. Les dissolutions. Le dérèglement. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, nous avons remarqué qu'au verset 18, qu'ils avaient l'ignorance, l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux, ayant perdu tout sentiment et toute dissolution. Ils se sont livrés à la dissolution. Donc, les païens marchent selon la chair. Ceux qui invoquent le nom du Seigneur marchent aussi selon la chair. Mais le problème, c'est qu'ils chantent les cantiques de Dieu. Que le nom de Jésus est si doux au point je vis dans la chair. C'est ça, frère. On avance. On continue. Or, verset 19 encore. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie. peux m'arrêter et je parle, frère. Je peux m'arrêter là et je parle. L'idolâtrie. Je m'arrête ici particulièrement sur un point, parce que vous êtes les Français. Et vous êtes en France. Quel est le commandement adressé à l'homme par rapport à Dieu? Premier, le plus grand commandement. Allons-y. À haute voix, frère. On dit, tu feras quoi? Qui est-ce qui doit adorer Dieu? Nous devons adorer Dieu, pas vrai? Qui seul doit être adoré? Si on adore une autre personne, c'est... Nous sommes tous d'accord. Et je veux que vous me regardiez pendant que je vais parler ceci. Mais si tu aimes ce style d'eau, le réflexe, ça sort de sa bouche que j'adore. Vous pensez que vous dites quoi au juste? Tu aimes quoi? Les prunes? Ouh, les prunes, j'adore. Tu aimes la Fanta? J'adore. Combien de Dieu cette personne-ci a déjà? Après, c'est tout. Oh Seigneur Jésus, je t'adore. Donc, Dieu, c'est le Fanta. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible déclare que si vous voyez de telles choses, sans vous vouloir, vous allez dire non. Je ne voulais pas dire adorer, je voulais dire aimer, mais qu'est-ce qui est sorti? Adorer, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tu adores tellement ces choses au point que tu l'attribues à Dieu. Vous dites, ce n'est juste qu'un mot français, mais ce mot français a été appliqué et a dit que ça doit s'appliquer uniquement au Dieu créateur. Vous adorez autre chose, vous adorez une autre personne, vous adorez, vous êtes idolâtre. Nous sommes d'accord, frère. Amen. Pointe quelqu'un, dit, change ton français. Et que désormais ton adoration soit pour le Seigneur. N'adore plus les yeux de quelqu'un. Les regards de quelqu'un. Les couleurs de voiture. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous a dit clairement tout à l'heure que les pensées mauvaises sont inspirées par les ténèbres des païens. Ils présentent. Ah, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire pour vous. Après, une femme seule, que citron, j'adore. Quand il dit citoyen, j'adore, en faisant les yeux comme ça, qu'on est ensemble dans les Illuminatis. Toi, si tu es là-bas comme ça, au lieu de passer le temps, quand tu ouvres la Bible, tu lis la Bible, tu ouvres comme ça, deux minutes. Je ne le comprends pas. Il lui-même, ça, il comprend comment. On se tourne vers la télévision, n'est-ce pas? La Bible que tu as ouvert, dit que tu dois adorer Dieu. Donc, par là, quand tu ouvres là-bas, c'est fatigant. Mais quand tu te tournes là-bas, on dit que tu adores les citoyens. Désormais, on t'a enseigné à adorer. Quand on dit désormais que Renault, tu dis j'adore. C'est même plus citoyen seulement. Renault, j'adore. Les couleurs de tes yeux, j'adore. Ma soeur, tu as vu mon habit? Oui, j'adore ton habit. Tu passes ton temps à adorer n'importe quoi. Ton cœur est livré à l'idolâtrie. La Bible déclare que ça se passe comme ça en toi. Tu es conduit selon la chair. Je vais revenir encore dans un autre enseignement sur l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est l'atteinte directe à la souveraineté du Seigneur. Combien de chrétiens vivent en citant le nom de Dieu, en adorant la nana? Après, on va voir les juifs à la télévision ou bien les indiens qui adorent la souris. Ils disent, regarde, ils adorent la souris. Au moins, c'est une créature. Toi, tu adores la nana. Adore la couleur des yeux. Ma soeur, comment tu as fait tes cheveux ici? Ouh, j'adore ta mèche. Tu adores sa mèche. C'est en France, ça. Continuons. La magie, les inimitiés, les querelles. Vous voyez cela? Dites-moi si vous passez une journée sans entendre les querelles entre les chrétiens, même sur Internet seulement. Et tout cela, avant de faire les querelles, ferme les yeux, prie au nom de Jésus. N'est-ce pas, frère? Fini de prier au nom de Jésus. Crains les querelles. On dit que celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne ferait pas de querelles. C'est la chair. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Les jalousies. Pourquoi Dieu utilise celui-là? Alors je regarde dans sa vie pour voir s'il y a des fautes, pour le frapper, pour le fragiliser. Les jalousies. Écoutez, être jaloux ne veut pas seulement dire, il faut que tu dises que je suis jaloux de toi. Quand on dit je suis jaloux de toi, oui, Dieu lui-même est jaloux. Mais son style de jalousie n'est pas manifeste pour te créer des problèmes. Son style de jalousie, c'est pour protéger. La Bible déclare que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Vous voyez cela? Il est tellement jaloux qu'il n'aimerait pas que tu parles avec quelqu'un d'autre, tellement il nous aime. Mais le style dont Dieu en train de parler ici, la jalousie, notre jalousie, c'est que, vous savez, Dieu visite telle personne. Pendant qu'on dit, oh Seigneur, nous te louons de ce que tu as fait pour nous, de ce que quelqu'un dit que pourquoi c'est à elle que, c'est que ça arrive. Mais elle n'a pas dit, je suis jaloux de toi. Mais son action montre qu'elle est contre ce qui lui est arrivé. C'est parce que c'est. Dans le livre de Matthieu, dans Jean, Luc au chapitre 13, si vous lisez à partir du verset 10, la Bible déclare qu'à la synagogue où le Seigneur Jésus prêchait un jour de sabbat, se trouvait là une femme qui était tenue liée depuis 18 ans. Le Seigneur Jésus, après avoir guéri cette femme, la Bible déclare que le chef de la synagogue, jaloux, a commencé à dire plutôt qu'il y a 6 jours pendant la semaine, venez que vous guérissez, c'est seulement le jour de sabbat que vous allez faire. Remarquez comment quelqu'un n'a pas compassion d'une femme qui a souffert pendant 18 ans. Parce qu'on lui accordait une guérison le jour de sabbat, il laisse le fait que la personne souffrait, parce qu'en réalité, il n'a pas de don de guérison. Parce qu'à l'issue de cela, la gloire ne doit pas lui revenir. Alors, il ne regarde pas, il ne dit pas que c'est à cause de cela. Il dit que c'est parce qu'en fait, il y a un commandement qui dit qu'on doit observer le sabbat. Donc, chacun peut prendre un verset biblique, créer les divisions, faire les jalousies et balancer un verset biblique. Que la même pour pouvoir dire comme ça. L'autre tape quelqu'un, ça ne va pas. Même tu n'as pas vu que Jésus lui est entré au temple, taper les gens. Mais on dit que il faut que les querelles ne soient pas là. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 30 et 31, disent que ces choses-là ne doivent même pas se mentionner au milieu du peuple qu'on appelle saint. Ça ne doit pas se mentionner. Donc, le simple fait, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, il dit c'est certes déjà un défaut chez vous que vous ayez des procès les uns les autres. C'est la Bible qui dit ça. Puis il dit que quand vous faites ces choses, n'êtes-vous pas des hommes, ne mangez-vous pas selon la chair. C'est pas ça, frère. Si, sans que vous êtes fatigué, moi je ne me fatigue pas, on va avancer. Si vous êtes fatigué, je vais arrêter pour que vous preniez une pause et puis j'avance. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Église a besoin du Saint-Esprit. Ça suppose que si le Saint-Esprit vient, il placera chacun parmi nous à sa place, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez. Ce n'est pas une histoire hors de la Bible, c'est une histoire de la compréhension de ces choses que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit crée des divisions. Le Saint-Esprit crée des divisions, interdit des divisions. Le style de division dont crée le Saint-Esprit, il divise ce qui est de la chair de ce qui est de son fonctionnement. Ça, il l'éloigne. Lorsque le Saint-Esprit dit, il est venu mettre la barrière, la division entre le Père et le Fils et au-delà, c'est deux styles de croyants. Quand il y a deux pensées différentes, il met les gens à part. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà son style de division qu'il crée. Dans le corps où il entre, il crée un style de division uni. Il arrive. Dans le corps, c'est ce que le Saint-Esprit fait normalement. Si vous lisez votre Bible correctement, vous verrez ces choses-là et vous rendrez gloire à Dieu que ça se passe ainsi. Dieu divise. Quand vous croyez de la bonne façon, les personnes qui vont t'éloigner de la foi, ils vous divisent. Voilà la bonne division. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes nerfs. Vous avez lu ça dans votre Bible? Il dit, c'est pourquoi dit le Seigneur, éloignez-vous, sortez du milieu d'eux. Quand tu sors de quelqu'un, tu en fais quoi? Divisé, donc vous vous séparez. Il dit, et je vous accueillerai. Vous voyez, le Saint-Esprit vous met dans un corps, dans ce style de corps. Dans ce style de corps, on est unis. Remarquez très bien, c'est ce que nous tenons. Vous avez remarqué très bien que les fondations sont creusées, les piliers ne sont pas un seul, n'est-ce pas? Chaque pilier est distant d'un autre. Distant de telle enceinte que les positionnements stratégiques de ces piliers-là forment que leur maison, tout bien coordonnée, forme une maison solide. Donc l'éloignement d'un pilier dans le corps ne fait pas que le corps, que les piliers soient divisés entre eux. C'est pas ce que vous comprenez. Dans le corps, donc, vous entendez ceci, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand ils sortent pour aller hors, pour aller prêcher, ça ne veut pas dire qu'ils n'est pas avec eux. Donc l'unité de l'esprit n'est pas là. Non, c'est pas ça. L'unité de l'esprit n'est pas l'union. Vous voyez la chose, n'est-ce pas? Vous pouvez être éloigné de 6000 km, être un en esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez bien, cet immeuble-ci, quelle que soit sa superficie, le premier pilier qui est à l'extrémité là-bas, et l'autre pilier qui est à l'autre extrémité, sont dans le même corps. Mais chacun soutient de son côté. Ce pilier n'est pas éloigné de l'autre pour être divisé. Mais il forme un tout. Et tout ce qui est à l'intérieur, qui les colle, les murs qui les collent, on appelle ça, c'est l'amour, le symbole, le lien de la perfection. Donc l'Esprit de Dieu marche avec l'amour. Ensemble, le corps est uni dans l'esprit et dans l'amour. Quel que soit l'éloignement de chaque place du corps. Alors, à l'intérieur du corps, le Saint-Esprit crée la... Ne dors pas, mon frère, ne dors pas vraiment. C'est un style de division pour être mieux unis. C'est pas ce que vous saisissez. Ok, j'avance là maintenant. Je veux vraiment que vous me suivez. Si vous êtes fatigué, vous me dites que vous êtes fatigué. Pour que ces choses, je ferme le robinet un peu. J'avance? Ok. Ça veut dire, si un pilier est de ce côté-ci, il soutient l'immeuble à l'ouest. L'autre pilier soutient à l'est. Ça ne veut pas dire que le pilier a pour but de détruire l'autre pilier. Il a pour but de soutenir la maison selon ce que le poids qui vient sur lui. Vous saisissez ça? Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre toutes ces choses. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, chapitre 13, verset 1 et 2, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des sicilés, des docteurs. Chapitre 2, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, qu'ils gênaient dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, traversaient la Phrygie, Lyrie, ainsi de suite. Vous voyez, ils ont quitté Antioche, ils partaient en Lyrie, en Phrygie, ils ont descendu à Paphos, ainsi de suite. Ils ont trouvé Elymas, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont là-bas, les gens sont à Antioche, Saul est docteur et prophète de l'église. Il n'est pas prophète d'Antioche. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre toutes ces choses. Notez 1 Corinthiens chapitre 1. C'est trop les versets déjà là. On a ouvert le mot, on n'a pas encore ouvert. Commencez à lire. Notez 1 Corinthiens, on va y revenir. Notez 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. On va y revenir. Donc maintenant, dans ce livre d'Éphésiens au chapitre 4, dans ce Galates chapitre 5, pardon, nous avons vu les œuvres de la chair. On est arrivé au niveau des querelles et des jalousies. Par la suite, consigne les animosités. Vous entendez un chrétien ouvrir sa bouche et dire, tu ne sais pas de quel bois je m'échauffe. Peut-être c'est le bois d'eucalyptus ou de l'acajou. Il dit, attends que mes 5 minutes de folie là résonnent. Donc le chrétien a sa propre folie. Quand mon côté animal va se manifester, donc il lui faut la délivrance. Pas vrai? Parce qu'il a un côté quoi? Animal. Ça, ce sont des chrétiens qui ouvrent leur bouche et disent ça de leurs lèvres. Que tu ne sais pas de quel bois je m'échauffe. Donc pendant qu'on chauffe, on échauffe en hiver. Lui-même, il a un bois à l'intérieur. Il dit, attends, mais 15 minutes de folie. Tu connais que dans notre tribu, quand on se fâche, c'est grave, non? La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le volet se retrouve en train d'être, d'appartenir à une culture encore. Il lui faut la délivrance. Frère, nous avons besoin du Saint-Esprit. On avance. Il dit les animosités, les disputes. C'est la suite là. Vous avez vu ça? Les disputes. Les divisions. Les sectes. Verset 21 commence par l'envie. Tu entends un chrétien dire, j'ai envie de boire le lait ce matin. Il dit, la Bible déclare que si tu as envie, parce qu'il ne faut pas confondre l'envie et le désir. Il dit, j'ai envie, si tu dis ouvre la bouche, la Bible dit, l'envie est un péché. J'aurais souhaité vraiment qu'on passe du temps, on parle de ces choses-ci. La Bible déclare que toute envie est un péché. Donc si tu ouvres ta bouche, je crois qu'il faut amener des corrections, n'est-ce pas? Il faut amener des corrections. Donc, quand vous dites par exemple que je m'en vais à l'église, vous savez que c'est faux. Tout comme c'est dit là, vous dites je m'en vais à l'église parce que l'autre ici n'a même pas d'abord le sens. Le problème, quand vous dites je m'en vais à l'église, ce n'est pas un péché, mais ça n'a tout simplement pas de sens. Je ne sais pas si vous comprenez. L'autre ici c'est un problème parce qu'on dit que l'envie est un péché. Quand vous dites que j'ai envie, ça veut dire que vous avez le péché. Parce que la Bible dit que l'envie est un péché. Et on le nomme ici dans l'œuvre de la chair. Ça veut dire que, et Romains chapitre 17 nous a expliqué que la loi du péché qui est en nous désire se manifester dans notre membre. Donc, la manifestation d'une envie, c'est le signe de la trace du péché dans notre homme, dans notre chair. On avance. Donc, vous voyez, quelqu'un dit, vous à Paris, vous avez une église des maisons. Comment on peut avoir une église des maisons? Comment? Je veux que vous m'expliquiez publiquement. Je veux que vous regardiez quelqu'un encore dit, il n'y a pas d'église des maisons. Ça n'a pas de sens. Vous allez vous justifier que je voulais dire comme ça. Il faut dire comme tu voulais dire. Mais ne dis pas ce qui est mauvais. Il n'y a pas d'église des maisons. Il y a tout simplement l'église qui se réunit chez telle ou telle personne. D'accord? Parce que vous dites, Les églises bâtiments, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas église bâtiment. Il n'y a pas église des maisons. Je suis en train de dire c'est une correction qu'il faut amener parce que ces choses-ci sont là. Vous dites que chez vous là-bas, c'est l'église des maisons ou c'est l'église temple. Comment vous dites des choses comme ça? La Bible déclare que salut telle personne et l'église qui se réunit dans sa maison. Donc ce n'est pas l'église des maisons. L'église se réunit, nous sommes, voici l'église qui se réunit chez le frère. N'est-ce pas? Voici l'église se réunit, donc son bâtiment, ce n'est pas l'église des maisons. Sinon, le 5-4 matin, on va dire, non, que désormais, on met la place ici, église des maisons. Donc ça ne se trouve pas dans la Bible non plus. Vous voyez? Tout comme, je m'en vais à l'église. Votre église, c'est où? Donc pour lui, l'église, c'est un lieu. Une chose où on est censé aller entrer. Et la Bible enseigne que l'église, c'est l'ensemble de ceux qui ont justement qui ont obtenu l'esprit. N'est-ce pas, frère? Tourne-toi encore vers quelqu'un, dis, tu as besoin du Saint-Esprit, j'en ai besoin. On a tellement besoin de dire des choses là. Donc, toute envie est un péché. Parce que la Bible le nomme ici au niveau des œuvres de la chair. On dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, dont le chef gourmand là, et les choses semblables. Donc, ça veut dire que la liste n'est pas loin d'être exhaustive là. Donc, ça dit qu'on peut ajouter. Et donc, là, lorsqu'on dit et les choses semblables, vous avez remarqué, donc, quand vous allez lire 2 Timothée chapitre 2, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, la Bible déclare que si quelqu'un s'abstient de ces choses, si quelqu'un s'abstient, il sera un vase d'honneur. Et vous regardez très bien, vous voyez, vous remarquez que l'apôtre Paul n'a pas cité quoi que ce soit en haut, qui soit comme péché. Il dit, si vous lisez 2 Timothée 2, il va commencer par dire, combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de ces choses, des choses qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il ne cite aucun péché là-bas. Puis il arrive là-bas que si quelqu'un s'abstient de ces choses, vous posez la question, de quelles choses est-ce qu'il parle, des choses semblables. Essayez de que le propos vous rencontre, vous allez savoir qui il était. Alors, la Bible nous met en clair ici la vie de l'esprit, la différence entre la vie de l'esprit et la vie de la chair. Je repose la question que je posais dès le départ. Au milieu des païens, au milieu de la pensée perverse, au milieu de l'asservissement de cette époque, de cette puissance sexuelle qui s'abat sur l'humanité, pour nous pousser au dérèglement, au point où quand un homme passe en rue, il voit une fille nue, il déshabille directement. Alors que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui dirait que mademoiselle, tu es nue, tu continues comme ça, c'est le feu qui t'attend. Que tu portes le pantalon, tes fesses sont derrière comme le saucisson. Tu vas aller forcément en enfer avec cela. Il dit, ma soeur, bonsoir, que Dieu te bénisse. Quand il passe maintenant, la femme passe des côtés, la pression se trouve à l'intérieur. Sinon, il amène cette sœur-là chez lui par pensée. Il commet adultère depuis la route. Il bisse l'adultère le soir. Et plus tard, l'esprit de cette femme-là lui vient dans l'obscurité, dans la nuit. Il dit, c'est la couche de nuit. Puis il vient dire, frère Junior, ça me fait souffrir. Où est-ce que ça a commencé? L'habit de saucisson de cette fille. Et on dit qu'on a besoin du Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Vous avez déjà ouvert le saucisson, n'est-ce pas? Vous avez tellement commencé à serrer sur le tour, vous en voulez fatigué, n'est-ce pas? C'est le symbole de vos pantalons. C'est pour ça que vous aimez cela. Continuez ici. Regardez verset 22. Verset 20. Regardez. J'avance. Je vous dis d'avance. Nous sommes dans le même verset 21. Après, chose semblable. Il dit, je vous dis d'avance. Il vous avertit que ceux qui commettent de telles choses entreront très bien dans le royaume du Seigneur Jésus. Non. C'est qui quoi, frère? Mais l'église de l'époque devait dire que l'apôtre s'est trompé. Et il dit que si vous commettez ces choses, c'est à l'intérieur. Dans l'église, maintenant d'aujourd'hui moderne, le chrétien moderne, on a des petits tamétismes. On vole les métros. On était en train de prendre votre tram là quelque part. Il y a un homme qui est entré, un blanc. J'ai observé parce qu'on m'a dit, quand vous entrez, vous validez votre ticket. Il est entré avec son sac. Il a fait le sac comme si, comme ça. Un homme bien habillé, âgé. J'étais devant, à côté du poteau, on validait. Il dit, je vais voir comment on valide le ticket. Ça s'est arrêté, ça s'est ouvert. La première personne est entrée, mais ça fait tzzz. Lui, il est entré. Il observait que quelqu'un ne l'observait pas. Je suis vigilant. Il a tendu le sac là-bas pour se retenir. Il a arrêté le poteau comme cela. Personne ne l'a vu. Comme je l'ai vu avec mes deux yeux, Dieu l'a vu mieux. Il n'a pas payé le ticket. D'autres volent la lumière. Dieu merci pour vous, on place le compteur là, au point où on ne peut pas voler. Donc on vous préserve, même le monde vous préserve de ne pas voler. Vous trouvez quand même des moyens de voler quelque part. D'autres font tout pour trouver le papier. Quand ils trouvent le papier, et c'est courant ici, ils trouvent le papier, ils croisent des pieds à la maison comme ça. Il va dire, frère, prends mon papier, il va travailler avec. Je veux que vous m'expliquiez comment on peut avoir le Saint-Esprit. On continue comme ça. C'est-à-dire, je m'appelle Junior. Frère, ton prénom, c'est quoi? Comment? Serge. Sur mon papier, c'est écrit Junior ou bien Chabda, n'est-ce pas? Ça, c'est mon nom. Prends, tu prends. Tu arrives ici, c'est toi qui emploies. La question qu'on lui pose, c'est qui? Junior, comment tu t'appelles? Lui, il dit quoi? Junior. Il s'appelle Junior, frère. Non. C'est quoi, mes frères? Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Et il va dire, c'est l'astuce et la sagesse que le Saint-Esprit a donné pour avoir le travail. Par la suite, quand il va comprendre que c'est déjà la prédication, il va dire que non, non, il faut que je m'arrange avec cette garçon de Junior. Il faut que je cherche les voies et moyens dans la Bible pour essayer de le contrer. Trouvez. Allez-y, trouvez. Que l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit qu'il était romain? Oui, il était romain. Il avait la citoyenneté romaine. Donc, on ne peut pas vous en sortir. Abraham n'a-t-il pas menti que Sarah était sa soeur? C'était vraiment sa soeur. Donc, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité. Donc, il faut qu'on se repente. On a besoin du Saint-Esprit. On avance là. Romains chapitre 1, rentrons-y donc. Je m'adresse au milieu de l'église. Donc, l'église se trouve dans cet état-là. Mensonge. Et quand on prêche, on adore, on chante. Le reste de cet argent-là, quand Serge va venir donner ma coupe, pas, je vais donner au pasteur. Quand le pasteur reçoit, il voit 100 euros. Il met la main sur lui, il met l'huile. Pour sanctifier encore que le Seigneur bénisse davantage. C'est-à-dire, le Seigneur, ses serviteurs, il a de prier le Seigneur de faire que Serge prend le papier pour aller mentir davantage une grande entreprise. Pour qu'on le paie encore bien, pour qu'il vienne donner son salaire. Vous êtes dans quel christianisme ça? On avance, frère. Romains chapitre 1. Verset 18 et suivant, que vous connaissez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc la colère de Dieu va s'abattre sur les gens qui sont injustes comme ça et sur toi, vivant dans ces genres de choses, il ne doit pas le faire. Et la Bible déclare, dans ce livre de Galates, chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul dit, il dit qu'il le déclare, il vous rappelle d'avance, il vous dit d'avance, qu'il faut que vous vous préparez, que si vous pratiquez comme ça, sache que l'entrée n'est pas pour vous. D'Apocalypse 21, le verset 27, la Bible déclare que nul impur n'y entrera. Dans ces célestes-là, dans ces cités célestes, nul impur n'y entrera. L'église moderne dit, on peut quand même entrer dans les dernières gouttes comme ça, je peux me repentir. Donc tu sais quand tu vas te repentir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que quand vous entendez le mot esprit puissant, quand vous dites Saint-Esprit, donc non seulement il est esprit. Comme il est esprit, ça suppose qu'il ne peut pas désirer les choses de la chair. Et comme il est saint, ça suppose que tout ce qui est impur lui est contraire d'après sa nature. Donc le Saint-Esprit ne se vautra point dans la boue. Le Saint-Esprit ne se vautra point dans la boue. Voilà pourquoi l'esprit a dû prendre forme dans une chair humaine semblable au nôtre pour enlever, ôter le péché, l'emprise du péché, comme nous avons participé à la chair, afin que lorsque cette œuvre est accomplie, il puisse appliquer la vie de l'esprit maintenant à nous. Donc après la mort, le témoignage de la mort du Seigneur Jésus-Christ, la personne qui doit rendre cette œuvre-là accomplie à nous, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas faire son tabernacle en nous, comme il a fait dans le désert jusqu'à ce qu'il entre dans le tabernacle construit à cet effet là à Jérusalem. Vous montez, vous descendez, vous avez un Philistin. Vous touchez le sol saint, l'hémorroïde qui viendra. C'est-à-dire la mort, les handicaps. Comme il a dit dans ce livre des prophètes là-bas, pour qu'il est ha, pour qu'il est hélas. Je veux que vous mesurez encore le mot. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la vie de l'Esprit et sa sainteté prennent effet en nous. Lorsque c'est accompli, ces choses-là, ce que je suis en train de parler maintenant, est accompli en nous, la Bible, votre Bible dit donc que vous êtes en Christ. C'est ce que la Bible appelle être en Christ. C'est ce que je t'en ai dit depuis. Quand c'est accompli, quand ces choses sont accomplies, c'est-à-dire après l'œuvre de la croix, que le Seigneur ait réalisé ce que les êtres humains ne pouvaient pas faire parce que la loi du péché était en nous. Après que Christ ait payé le prix du sacrifice à la croix, pour que ça s'exerce, que cette œuvre-là, cette œuvre qu'il a faite-là, soit valable pour et en nous, il faut que le Saint-Esprit vienne prendre cette œuvre-là pour le rendre véritable pour nous. Lorsqu'il fait son tabernacle en nous, on dit donc que nous sommes en Christ et il est en nous. Alors, on dit donc, écoutez bien, 2 Corinthiens 5, qui est tellement célèbre, mais qui est tristement utilisé aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17, on dit donc que si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature, parce qu'il a une nouvelle vie. D'accord? Les choses anciennes, vous pouvez donc citer donc les animosités, les querelles, les désirs pernicieux, les plaisirs du monde sont passés. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il marche en réalité, en nouveauté de vie. Notez Romains chapitre 6. J'avance. Vous avez noté Romains chapitre 6. Dans ce livre de Romains chapitre 1, dans le verset 18, dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui gardent la vérité captive. Qui garde la vérité. C'est quoi garder la vérité captive? En captivité, ça suppose donc quelque chose qui doit être libéré. On fait quoi? Okay. Prenons l'homosexualité ou bien les perversions sexuelles ou l'impurité. Lorsque vous, chrétiens, vous connaissez cela, vous avez cela, on dit ces trésors, nous gardons ça dans cette vase de terre, n'est-ce pas? Et que vous voyez quelqu'un à côté de vous commettant le lesbianisme et tous ces dérèglements-là, vous restez tranquille. Où se trouve la vérité, frère? Vous avez captivé la vérité. En principe, qu'est-ce que vous devez faire dans ces circonstances? Il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui gardent ceux-là qui retiennent la vérité captive. Puis, parce qu'il dit que car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Donc, Dieu vous révèle quelque chose. Vous connaissez ce que Dieu veut. Vous connaissez ce qu'il ne veut pas. Vous avez cela, mais vous gardez. Que le salut est personnel. Mais le salut est personnel. Si le salut était personnel, comme tu le dis, quelqu'un t'a trouvé pour dire quelque chose pour que tu sois sauvé, n'est-ce pas? Mais il faut aussi dire quelque chose. C'est vrai que vous allez recevoir, et c'est ça le vrai problème, c'est que ce sont les retombées, ou bien le feedback de si on dit ces choses, on dénonce, c'est cette peur qui fait que justement, personne ne veut s'aventurer sur cette voie. Et d'une part, vous avez raison, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne verrez pas. Parce que tu ne dois pas dire à quelqu'un, comme Romains chapitre 2 le dit, que l'homosexualité sort à l'intérieur à ce que toi-même tu viens le petit amétisme. Parce que celui qui condamne l'homosexualité condamne l'impurité, la débauche, la fornication. Quand tu dis comme ça là, et si l'homosexuel t'avait vu en boîte de nuit avec lui aussi, il dit c'est pas toi qui vis en boîte l'autre jour, tu vas continuer la prédication. Est-ce que c'est que quelqu'un te dit je t'ai vu aussi en boîte de nuit, ta prédication va encore continuer? La Bible déclare donc, ô donc premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton pain. C'est ce qu'il en est. Vous voyez effectivement que il faut, comme on a lu ici au départ, dans ces Philippiens chapitre 2, qu'au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous brillons comme des flambeaux, n'est-ce pas? Portant la parole de vie. Et l'apôtre Paul dit qu'il aura sujet de se glorifier au jour de Christ. Donc ici, la Bible déclare que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice, toute impurité des hommes qui gardent injustement la vérité captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu leur a été manifesté. La Bible déclare en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Puis il dit, ils sont donc inexcusables. Vous y êtes? Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est là où ça commence. Dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence. Souvenez-vous, et mettez ceci en relation avec ce qu'on a lu dans Ephésiens au chapitre 4. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et leur pensée sans intelligence a été plongée dans les ténèbres. Voilà ce qui gouverne le monde. Voilà ce qui inspire les grands films qu'on voit aujourd'hui jusqu'à ce que, lorsque ça finit, on va chercher les CD. on dit que 7 en 1. Prism break, c'est-à-dire que le chrétien va à l'église, demande au pasteur de lui mettre, appliquer l'huile qui vient d'Israël. On applique sur lui, il prend le papier de X, il va travailler au nom de Y. Quand il gagne cet argent, il achète prison break. Il vient, il met, il passe 8 heures de temps à suivre cela. Mais quand il ouvre la Bible, il baille. Il dit, quand j'ai un esprit, quand j'ouvre la Bible, je dors seulement. Tu ferais mieux de dormir parce que les œuvres de la chair. Remarquez très bien qu'il faut une profonde repentance. Remarquez cela. Il faut une nette profonde repentance. Parce que la Bible déclare que si arrêté, on est ressuscité avec Christ et qu'on est assis ensemble, on désirera, on s'affectionnera aux choses d'en haut. Donc même le test même de notre propre cœur, de notre propre vie, de nos désirs et de nos choix quotidiens peut nous présenter effectivement le tableau de si oui ou non le Christ vient maintenant, on partira avec lui. Ça peut nous présenter si nous sommes honnêtes. C'est-à-dire quotidiennement, quels sont tes désirs? Quelle est ton attirance? Le goût qui t'attire le plus, c'est quoi? Les choses du monde ou les choses de l'esprit? Et dans Galates chapitre 6, la chose est claire au verset 7 et 8. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc si tu passes ton temps dans prison break, c'est que tu t'entraînes à aller en prison. C'est ça, ce que Dieu sème, tu le moissonnes. Vous voyez cela? Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair, la corruption, dont la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Et donc quelqu'un sème selon la chair. Il passe le temps dans les œuvres de la chair. Il passe le temps dans les désirs de ce monde, plaisir de ce monde. Mais il chante que là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a la joie. Dans la maison de son père, il y a la joie. Ici, il vit dans autre style de joie. Et il dit, quand Christ viendra, il partira. Quand même cette personne, il va ouvrir Jean, quoi, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, vous. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tu dis, ouf, alléluia, il m'a dit à moi. La problématique c'est, est-ce que tu es prêt? Donc, quand il a dit, je viens de vous préparer, le verset ne s'arrête pas là. Il a donné plusieurs paraboles pour dire aux convives qui doivent être invités, qui se préparent. Donc ça ne s'arrête pas là-bas. Tu ne peux pas lire ça, tu dis, alléluia, Christ va venir me chercher. Parce qu'il vient chercher les gens sans tache ni ride. Voilà. Et alors là, si je lis ces versets, je dis, dans la maison de mon père, il y a la joie, je vais y participer, ou bien te préparer. Nous avons besoin du Saint-Esprit, frère. Après avoir lu ce que je vais lire là, et dit quelques petites choses, on va mettre une pause, et la deuxième partie va continuer, d'accord? Verset 21, puisqu'ayant connu Dieu, on a lu cela. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Écoutez, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu ne punit pas l'homosexualité. Dieu aime les homosexuels. Il aime. Donc, les homosexuels de maintenant, ils les aiment. C'est que c'est un Dieu le plus injuste. Parce que les homosexuels d'avant, il les a détruits. Et la Bible, nous avons lu dans deux puis aujourd'hui, au chapitre 2, les versets 5 et 7 nous ont bien appris que quand Dieu avait livré la ville de Sodome et Gomorre dans les flammes de feu, c'était pour donner aux impies à venir un exemple, n'est-ce pas? Verset 26. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Puis on explique ce que l'infamie veut dire. Et si vous lisez Genèse chapitre 19, vous allez voir effectivement quand l'autre est sorti, il a dit ne commettez pas cette infamie. N'est-ce pas? Donc l'infamie est liée avec l'homosexualité, intimement. Mais sur le plateau de télévision, dans les débats télévisés, un homosexuel défendant le groupe homosexuel dit à un pasteur que le Nouveau Testament ne condamne pas l'homosexualité. Le pasteur Dimovo et Dimancha tend les verres, il ne connaît pas où la Bible on parle d'homosexualité dans le Nouveau Testament. L'homosexuel pointe le noir du doigt en disant que, avec tes années de théologie, tu ne peux pas montrer un seul verset qui condamne l'homosexualité dans le Nouveau Testament. Pasteur ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il connaît? Malachie chapitre 3. C'est ça qu'il connaît. Pas n'importe quel Malachie chapitre 3, particulièrement le verset 8 à 10. Il connaît cela. Mais il ne connaît pas là où il faut frapper sur le péché pour que les gens se repentent. Et le péché devant de lui, bravant la vérité qu'il sent, qu'il passe détenir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Regardons ici, regardons. On dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des personnes infâmes. Car, pour expliquer l'infamie, n'est-ce pas? Car les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Est-ce que vous comprenez? Que toute femme qui change son corps, n'importe quelle partie de son corps qui était naturelle, elle est déjà dans l'homosexualité, frère. Il faut que vous m'écoutez bien attentivement pour qu'on voit ce qu'il en est. Je recommence encore. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Vous voyez ici, vous pensez l'acte seulement entre la femme et la femme, pas vrai? Je veux que vous me voyez. Regardons bien ce que mon grand frère dit ici. Les femmes ont changé l'usage naturel de leur corps en ce qui est contre nature. Donc ce qui était naturel, on a mis ce qui est... Je veux que vous pointez quelqu'un du doigt. Regardez, tournez-vous. Ne me regardez pas maintenant, vous, entre vous. Dis, les faux cheveux font quoi sur vos têtes? Les faux cils font quoi? C'est-à-dire qu'ils ont changé ce qui est naturel et on prie ce qui n'est pas naturel. Ils ont changé et nous voyons ça en plein. Et le prédicateur dit que non, il faut que nos femmes soient belles. Il n'y a pas de problème. Et la Bible dit, leurs femmes ont changé. C'est que Dieu a donné le naturel, ils ont pris ce qui est contre nature. C'est-à-dire que Dieu a donné le vrai, ils ont pris le faux. Et on dit, non, tu es belle. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Leur corps est changé de naturel à contre nature, dit la Bible. C'est là-dedans, dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La grâce nous enseigne à fuir la mondanité, à rejeter les choses du monde, les propositions sataniques, les suggestions du diable, et à vivre sain, sans tache ni ride. Leurs femmes ont changé l'usage naturel. C'est à quoi leur corps devait servir de naturellement. Ils ont changé pour accepter ce qui est contre nature. Vous voyez une femme, elle arrive ici, elle enlève ça. Vous appelez, comment vous appelez ça? Les cils. Dieu avait donné, on appelait ça cils. Va, elle arrive quelque part, elle dit industrie de beauté. Cette industrie de beauté, on dessine une femme qui est restée comme ça, nue, avec le ventre plat, vient avec le slip dehors. On dit le temple de la séduction. Elle voit le temple de la séduction. Elle dit qu'à le Saint-Esprit, alléluia, je m'en vais au temple de la séduction. Quand. Oui, madame, celle qui sort, elle sort un balance des yeux comme ça. Une ancienne fille de sirène retraitée. Elle dit, vous voulez quoi, madame? Elle ouvre sa bouche. La bouche qui chante, j'ai la joie dans mon cœur, Jésus-Christ, Dieu des miracles. Elle dit, je veux les faux cils. Elle dit quoi, frère? Elle sort avec ses pieds. Elle dit, Seigneur, protège-moi aujourd'hui à mon aller et à mon départ et mon retour. Elle entre dans le temple de la séduction. Elle dit que donnez-moi les faux. Quelque chose ne va pas avec nous, pas vrai? Parce qu'elle ouvre sa bouche, elle dit qu'on donne le faux cils. Elle revient. Elle dit coupe-moi les cils-ci. Mets les faux cils. Après, elle vient au culte. Le pasteur dit que waouh, ma soeur, tu es d'une beauté diabolique aujourd'hui. Elle dit merci, pasteur. Vous voyez que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans quelqu'un, dira que tu es en train de te perdre. Parce que tu as échangé ce qui est naturel en contre-nature. Comment on peut accepter des choses? Comment? Il vous dit que vous avez le Saint-Esprit. Leurs femmes, Ils commettent des infamies parce que leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Je peux avancer? Après, quand elle ferme les yeux, ça ne se fait même plus. Elle ouvre les yeux comme ça. Vous savez les poupées qu'on offrait aux enfants pendant Noël? Quand vous la balancez comme ça, ça fait comme ça. C'est comme ça que les yeux sont devenus. Et pour montrer effectivement qu'on a les changer justement en une chose, en une poupée, on finit de faire cela, la partie noire de l'œil là. On dit que ta paille est comment? Elle dit c'est noir. On dit que vente des fausses iris. Elle entre. On dit tu veux quelle couleur d'iris? Elle dit Dieu m'avait fait noir. Moi je veux verte maintenant. On lui donne des fausses iris. Elle ouvre ses yeux. On dit que ne bouge pas. Elle dit oui, ne bouge pas. Elle dit oui, regarde bien. Elle dit, pas, hein. On met. Elle va dans le miroir. Elle se voit. Initialement, elle sait que c'est noir. Elle regarde. Elle dit voilà, c'est bon. Et la Bible déclare en ces temps-ci, ce qui est mauvais, les gens vont dire que c'est bon. Ce qui est bon, les gens vont dire que c'est mauvais. Et Dieu dit malheur à ceux-là. Il finit de faire ça. Il rentre et chante le Dieu de la Bible. Le Dieu dit, la Bible dit que si vous prononcez son nom, éloignez-vous-en de l'iniquité. Lui ne voit pas que c'est l'iniquité. Il dit, ouvre ta Bible, montre-moi, on a écrit faux cheveux. C'est écrit en noir et blanc, là, il ne voit pas. Il veut qu'on dise faux cheveux, faux cils, fausses dents. Si on écrit ça, d'abord, le quantité 6, ça ne nous laisse pas pour lire. Si on écrit ça totalement, vous allez lire. Alors, comme faux cils, fausses dents, faux cici, faux cici. Tout ça est faux et que ce que Dieu a mis est naturel. Il met ça grosso modo. Il dit que ce qui est contre nature, contre ce qui est naturel. Vous voyez là, ça, frère? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Avançons ici. C'est la question que je pose, que je posais dès le départ, c'est que au milieu de ces choses, quel est notre comportement? Parce que vous allez au bois de Boulogne, ou vous allez n'importe où là-bas où ces prostituées sont. Observez votre habillement, observez les leurs. Elle a mis ses cheveux comme ça, comme pour son bahana. Bleu ici, brun ici, au-delà, comme si pour dire qu'elle supporte l'Arsenal. Toi, tu prends pour toi maintenant Manchester. Tu viens, tu dis que repends-toi. C'est Manchester. Contre Arsenal, là, justement. Vous êtes dans le même camp. C'est parce que vous comprenez. En ce qui est contre nature. Et la Bible dit que si une femme coupe les cheveux, même son mari peut divorcer d'elle. N'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Vous voulez plus parler, n'est-ce pas? En tout cas, je vous regarde même plus là, je regarde la Bible ici là. Il dit, verset 7, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Regardez bien, regardez. Vous dites que ce sont les femmes qu'on parle. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Et se sont enflés dans leurs désirs. Les désirs sont au pluriel. Un homme dit, on a dit qu'il y a le sida ici dehors. Je ne sais pas finalement, on ne sait pas savoir quelle femme a le sida ou pas. Bon. S'il va avoir une femme, elle va tomber enceinte, elle va dire que c'est moi le parent. Donc, je me marie avec le savon. Il passe à masturber. La Bible déclare qu'elle a changé l'usage naturel. Il y a même des festivités, des gens qui masturbent. J'ai tant de causes avec un homme, ici en France justement. Il m'a dit qu'il y a des périodes, quand il finit, il passe à masturber, c'est normal. Il cause avec quelqu'un, il dit que, attends, je ne vais pas me masturber, j'arrive. Il dit c'est le désir naturel qu'il faut faire. Il trouve que ce n'est pas naturel. Puis il me dit que non, il fait quand même du bien. Dieu lui-même sait qu'il fait du bien. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Regardez bien. Comme étant homme avec homme. Et un être humain dit qu'il ne voit pas l'homme écrit l'homosexualité. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc vous voyez effectivement, on aboutit à l'homosexualité tout simplement parce que dès le départ, on est égaré. Nos pensées sont dans les ténèbres. Nous n'avons pas la vie de Christ. Nous sommes éloignés de la vie de Dieu. Et par conséquent, l'homosexualité n'est qu'une branche des ténèbres. L'homosexualité, le changement naturel n'est qu'un aboutissement d'une autre branche des ténèbres. Parce que dès le départ, c'est parce que leur intelligence a été obscurcie à cause des ténèbres qui est en nous. Autrement dit, dans le train dont parle le livre d'Éphésiens au chapitre 2, chacun a son couloir, son wagon. Il y a un wagon A1, A11. Tu es assis au wagon des femmes qui coupent les cheveux et désobéissantes. L'autre est assise dans le wagon des femmes qui ne coupe pas les cheveux, mais enseigne. Mais dans le même train de la désobéissance. L'autre est assis dans l'autre wagon, les femmes qui sont seulement avec le mari de quelqu'un n'enseignent pas, ne coupent pas les cheveux. C'est plein. Donc ce n'est que le même plein, les ténèbres. On avance, mes frères. Nous avons besoin du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 4. Je vais lire cela, expliquer quelque chose et m'arrêter pour la première partie. Je vais aller prier, je reviens vers vous. 1 Jean chapitre 4, verset 20. L'esprit sexuel a servi plus que toute autre chose. Voilà pourquoi l'arme de destruction massive de Satan, c'est la femme. J'ai dit quel livre, s'il vous plaît? 1 Jean, chapitre 4, allons-y donc. Vous voyez, ces choses, pourquoi, lorsque quelqu'un est délivré, il doit être rempli par la parole. Parce qu'il faut un travail profond de renouvellement. Parce qu'en réalité, le cœur doit être entretenu. Si votre cœur n'est pas entretenu, quelqu'un parlera à l'intérieur. C'est parce que c'est ce que la Bible déclare. Quelqu'un parlera à l'intérieur. Et tellement des amplificateurs sont autour de nous au point où l'amplification de Dieu, l'amplificateur de Dieu n'est qu'un seul. Parmi des milliers d'autres amplificateurs autour du cœur. C'est parce que c'est ici. C'est-à-dire, si vous mettez un baffle là-bas, tout à l'heure, vous allez entendre une musique qui passe par là pendant que ça venait de passer, une autre chose vient de passer là pendant, il y a un autre cri par ici. Et le Saint-Esprit t'appelle seulement au festin de la parole, au festin de la parole à l'intimité. C'est seulement la voix là-bas. Or, il y a plusieurs autres voix qui se trouvent là-bas. Mais pendant ce temps, on abandonne la voix du Saint-Esprit, la communion autour de la parole. On suit toute autre activité. Et toute autre activité là implique automatiquement des autres voix qui y parlent. Le cœur doit être entretenu. Lorsque l'esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides, cherchant où il va demeurer. Et n'en trouvant point de lieu de repos, se dit, je retournerai dans ma maison. Vous entendez ça, frère? D'où je suis sorti. Et s'il vient, trouve la maison bien balayée et ornée. Vous devez poser la question, comment cette maison est balayée et ornée? Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire par balayée et ornée? Donc, ça veut dire que le cœur est propice. Il y a des éléments sur lesquels il peut se baser pour rester dans la maison. La maison, le charme. Quand la maison est ornée, ça suppose que c'est beau à vivre. Bien à vivre, ça fait bon vivre là-dedans. Balayé et orné. Il dit, waouh, il y a tellement de plaisirs dans la maison, c'est propre. Avec nos plaisirs charnels. Elle aime telle chose, la discothèque. Elle aime les films de Jack Bauer. Elle aime Novas. Nollywood. Qui inspire Nollywood ici dans les ténèbres? Django dit que c'est moi. Il dit, ok, viens avec les gens, allons-y. Il y a des endroits là pour toi. Après, vous êtes surpris que la soeur dit que Chioma, c'est qui? J'aime la fille là qui tourne là-bas. Son style me plaît, la façon qu'elle marche. Oui, elle est influencée sans s'en rendre compte qu'un démon est rentré. Avec celui-là. Continuons ici. 1 Jean chapitre 4. Je vais vous dire des choses avant de quitter cette terre, si je vous le dis. 1 Jean chapitre 4, j'y vais, verset 13, regardez. Verset 13 du chapitre 4. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Vous avez vu ce qui est écrit, frère? Donc vous devez connaître que vous êtes en lui et qu'il est en vous. Vous devez connaître cela. Il dit, et comment vous avez connu cela? Comment on connaît cela? À cause de l'esprit qu'il nous a donné. Donc vous devez être sûr que vous l'avez reçu. Si vous n'êtes pas sûr, il n'y a pas de supposition là-dedans. Vous devez savoir que quelque chose s'est passé. Vous entendez cela? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne verrez pas de mal dans vos actions. Sans le Saint-Esprit, vous pourrez tuer quelqu'un sans vous en rendre compte. Vous dites tuer quelqu'un? Non. Il dit si quelqu'un hait son frère, c'est un pécheur, c'est un meurtrier. Ah, vous dites non, ma mère m'a trop fait souffrir. Elle voulait me tuer. N'eût été le marabout là, je me serais échappé. Par la grâce de Dieu. Vous avez aimé grâce de Dieu là-bas. Mais le Saint-Esprit dit dans la Bible que tu dois pardonner, quel que soit ce qu'on a fait. Tu dis je ne pardonnerai pas. Donc tu es meurtrier, dit la Bible. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc sans le Saint-Esprit, le jugement, le standard sera à notre niveau. Nous allons convenir à appeler péché ce que nous convenons. Et bien pour nous, ce que nous pensons que c'est bien. Mais le Saint-Esprit viendra élever le niveau de jugement et le niveau de péché, le niveau du standard de sanctification au niveau de la parole. Il prendra ce qui est en moi, il vous les donnera. Car tout ce que le Père a m'appartient. C'est pour cela que j'ai dit, il prendra ce qui est en moi, il vous les donnera. Le Saint-Esprit pontuera Amen à chaque parole de Dieu et rejettera tout ce qui n'est pas de la parole. Voilà pourquoi il doit être en nous. Il est disponible pour nous. Le Seigneur jusqu'à avait dit qu'il est avantageux qu'il aille, parce que s'il ne veut pas le consolateur, il ne viendra pas. Il est notre avocat, notre défenseur, celui qui nous préserve de toute chute, qui nous fait marcher dans la voie de la sainteté. Sans lui, vous ne pouvez pas marcher. Vous allez faire des objections, des ablations et autres. Abstenez de ces choses-là. Et la Bible déclare que si vous faites de cette façon-là, on dit que ça sert tout seulement à la satisfaction de la chair. Mais dans l'esprit, nous marchons donc, nous accomplissons la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la deuxième partie, va venir, on va encore continuer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur bien-aimée. Je t'aime. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, je crois que vous prenons une pause de 5 minutes et reviens, on continue dans cette chose-ci. D'accord, frère? 5 minutes.